Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale. Tu m'avais pas donné ton bon micro. Ah, voilà. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 Lévis. Et oui, mon ami Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeux. Et cela pour 2 heures sur votre radio FM à Lévis, dans la région, la grande région de Québec. Et je suis accompagné, comme à mon habitude, de monsieur Andrew Castegan à la console. Salut, Andrew. Bonjour, monsieur Michaud. Prêt pour une autre grosse émission? Oui. By the way, ça, c'est le micro 3. Ah, voilà. Et non pas le 2. Voilà. Et avec nous, évidemment, qui dit 27 août 2014 dit dernier mercredi du mois. Et qui dit dernier mercredi du mois dit monsieur Éric Lajeunesse pour sa chronique Bière et Jeux. Salut, Éric. Ça va? Ben oui, une belle chronique Bière et Jeux. On vous rappelle, présentée par nos amis du dépanneur tout près à Lévis sur la rue Wolfe. Ouais. Et là, ça va être une grosse émission, Éric, ben, parce on que là. On a du stock. On a trois. Trois produits à déguster cette semaine. Yes, Marie, monsieur. Ils étaient en feu. Mais là, j'ai hâte de voir parce que là, non, évidemment, là, on s'est parlé hors d'onde. On a même soupé les trois ensemble tantôt. Ouais. Et on a regardé ces petits produits-là, là. Il n'y en a pas un qui n'est pas intéressant. Les non, trois, non, j'ai non, vraiment. On a vraiment trois belles patentes cette semaine, là. Et on goûte quoi cette semaine, Éric? On goûte la Sœur à Tuyer. C'est une ginger ale. C'est une collaboration du brasseur Donem qu'on commence à apprécier de plus en plus ouais, ici. Oui, pas mal. Et de Pit Caribou. Oh! Puis j'ai encore plus hâte. Puis je suis un amateur de ginger ale. Il y en a des vraiment bonnes. On goûte la nouvelle du Corsair aussi, la Glacie. Oui. On parle de poire aromatisée à l'estragon. Oui, moi ça m'intrigue, j'ai hâte de goûter ouais, à ça. Surtout que les bières aux poires d'habitude goûtent la merde. Ouais, mais la dernière qu'on avait essayé, j'avais été moi-même c'est ça, déçu. Là. C'est ça. Fait que là, je fonde de grands espoirs envers c'est celle-là. Aromatisé. Ouais. On peut bien s'en sortir, là. Ouais. Puis, le troisième produit, c'est vraiment celui qui m'excite le plus cette semaine. C'est, elle s'appelle la Gauze des Trois Mousquetaires. C'est une bière surette qui va chercher des petites notes de limette, de sel, et de coriandre. Oh, que ça m'intéresse. Moi, je vais être d'accord avec ça, toi. Ça, vraiment, ça m'allume ben gros. Là. Surtout que j'ai mangé du ceviche 2 fois cette semaine déjà. Là. Il me semble qu'avec un ceviche, ça, c'est bien hâte de goûter à ça tantôt. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Éric, d'avoir amené ça pour nous. On va goûter ça tout au long de l'émission. Et un peu plus tard dans l'émission, on va voir M. Louis-Étienne Desgagnés qui va être avec nous pour nous parler de 2 jeux. Crowsmaster Arena et Rampage, 2 jeux de plateau, bien évidemment. Puis là, Éric a hâte de voir Rampage. Au début, il disait, tu me niaises. Non, c'est ça, mais là, je te crois pas. Vous allez voir, moi aussi, j'ai hâte de le voir. J'ai lu les règles récemment, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. J'ai vraiment hâte de le voir en tant que tel, là, de façon live, dans ma face, voir comment c'est monté. Ouais, mais si je me fie au livre de règles et comment ça fonctionne, Je vais beaucoup aimer ça. Et c'est avec Louis-Étienne, ça risque d'être en deuxième heure d'émission. Et il y aura aussi, bien évidemment, des nouvelles ludiques. Mais mesdames et messieurs, avant de commencer tout ça, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur ce site pour écouter nos émissions en podcast, les anciennes émissions, et même en direct présentement. Vous pouvez nous écouter directement sur le site internet. Ou aussi au 96.9fm.ca, qui est le site de la station. Donc, si vous voulez nous rejoindre aussi, on le dit pas assez souvent, vous pouvez toujours nous rejoindre en studio via Facebook, notre page Facebook, Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous nous trouvez facilement grâce à ça. Après ça, vous appuyez sur le bouton « J'aime ». Premièrement, parce que nous, on vous aime beaucoup, mesdames et messieurs, mais aussi parce que grâce à ça, vous avez la chance de participer à nos concours. Et d'ailleurs, on tient à vous avertir que cette semaine, le concours qui commence aujourd'hui avec Pink Vivi sera le dernier de la saison. Donc, on tient à remercier Véronique qui nous a fait ces beaux concours-là depuis le mois de mai. Donc, à chaque semaine, des beaux cadeaux qui étaient offerts à nos auditeurs. Donc, merci beaucoup, Véronique. Et là, cette semaine, ce sera la dernière chance que vous aurez de participer. Et donc, vous pouvez communiquer avec nous via Facebook comme ça, ou vous pouvez aussi écrire au studio en commercial 96.9fm.ca. Donc, vous pouvez écrire aussi à cette adresse courriel-là si vous voulez nous rejoindre. Et mesdames et messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, ben vous savez, à Puissance Maximale, avant de commencer tout ça, on aime bien ça, se starter avec de la bonne musique. Et là, on va y aller justement en swingant un peu pour se diriger tranquillement vers une première bière. On va y aller avec nos amis de Flogging Molly et la chanson Seven Deadly Sins. Puis vous allez entendre la chanson, ça fit pour se préparer à boire quelques bières. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles. Seven Deadly Sins de Flogging Molly à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 Lévis. Sail away on a ball and chain, and keep us from the roaring waves. Get her on the voided, but forever we'll be free. So sail away aboard a rig, the moon is full and so are we. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Gears off by a satellite and left us up unreeling. Johnny Storm was standing on left passenger ceiling. What became of rebels? It's set for you and me. They're up and with their demons in the search for liberty. I'll suffer as you suffer all can swim up on the desert. Avarice is ravaged all in spite of good intention. Can you help but help me? For pride old Johnny swell. But none's unforgiven in the four corners of hell. So sail away on a ball and chain. Keep us from the roaring winds. Get her on the void of us forever we'll be free. Seven drunken pirates with a seven deadly sin. Seven drunken pirates with a seven deadly sin. Yeah. Evil twin, a crypto bear with slander. Idiots, they gave advice, but sloth, they gave no answer. Anger kills a human soul with bitter tales of lust. Like Pavlov's dogs keep chewing on the legs they never trust. Oh, sail away on a ball and chain. Keep from the roaring waves. Get along the void of up a river, we'll be free. Sail away on a ball and rig, the moon is full and so are we. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. We're seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! And left us some unreeling. Gin and milk came crawling out and stealing up on the ceiling. What became of rebels who sang for you and me? Crawling with our demons in the search of liberty. Oh, sail away on a ball and chain. Keep us from the roaring waves. Get her undivided, but forever we'll be free. Sail away on a ball and rig. The moon is falling, so away. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Sail away on a ball and chain. Keep us from the roaring waves. Get her undivided, but forever we'll be free. Sail away. Là, je joue aux jeux vidéo, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et oui, de retour à puissance maximale, vous avez entendu la gang de Flogging Molly et Seven Deadly Sins juste avant nous. Et nous sommes de retour avant de se lancer que dans les univers ludiques. Mais on va se lancer dans les univers, j'allais dire idylliques un peu quand même. Mais surtout idylliques, c'est ça. Avec, là on va commencer, on va vous parler des trois bières dont on va parler aujourd'hui. Mais là, on va commencer avec la bière locale, la gang du Corsaire. Oui, absolument. Du Corsaire, de Lévis. On les aime parce qu'ils sont chenous. Donc, un petit son de canette. Donc, ouvrons. Qu'est-ce que ça sent, cette affaire-là? Ouais, ça. Donc, on rappelle le nom de la bière en même temps, mon cher Éric. La Glacie. Puis, j'ai pas, évidemment, je suis toujours à la dernière minute, vous savez, que j'ai pas eu le temps de faire de recherche. Mais quand on regarde sur le côté, on voit Auberge des Glacis. Fait que, c'est-tu quelque chose qui a été concocté pour l'institution, je le sais pas. Ça, j'ai bien l'impression que oui. Ça ressemble à ça, là. Un peu comme le grimoire, tu sais, la vie de château était brassée pour le château Bromont à l'époque. Ouais. Donc, on verse, on verse, on verse, on verse. D'ailleurs, on vous rappelle encore une fois, et je le ferai tout au long de l'émission, que cette chronique de M. Éric Lajeunesse est une présentation du dépanneur Toubray à Lévis au 97 rue Wolfe. On vous invite à vous y rendre pour tous vos achats de bières spécialisées et d'accessoires liés à la bière parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Des beaux verres, d'à peu près tout ce qu'il y a comme micro. J'ai failli flancher d'ailleurs tantôt pour un beau verre Guinness édition spéciale. Oh, édition spéciale? Ouais. C'était le toucan. Ah ouais? Le toucan que j'ai sur ma porte, là. Oh oui. C'est ce verre-là, là. Oui. Hey, ça, ben, donc, si ça vous intéresse, là, dans l'accessoire, il y a tout ce qu'il faut également au dépanneur tout près. D'ailleurs, on salue les gens du dépanneur qui nous aident à chaque mois à vous offrir cette excellente chronique. Voilà, c'est dit. Éric, faut sentir la bière, pas la renifler. T'as un petit peu trop de liquide dans ton verre, peut-être? À peine. Elle sent bon. Ça sent très bon. Oui. Mais je sens pas la boire. Un petit peu, moi. Je la sens pas pantoute. Ben, on va y goûter. Santé, messieurs. Pas mauvais du tout. Non. Bonne bière. Non, mais non. Ah oui. Je sens un peu le sucre de la poire, mais l'arôme n'est pas si... Non, ça tombe pas sur le cœur comme la patente qu'on a essayée l'autre jour. Là. C'était... Ouais, mais ça, c'était... Dont on taira le nom parce qu'on l'oublie en plus. Là. Moi, je m'en rappelle, mais je vais quand même... je vais quand même l'oublier. Moi, je goûte. C'est une bière de blé, puis je goûte le blé. Ça, je le goûte beaucoup. On le goûte. Mais la poire est subtile, puis je cherche encore l'estragon. Ouais, l'estragon, moi, c'est une herbe que j'aime moins. Puis je pensais que ça allait me. Vu que j'aime pas beaucoup ça, je pensais que ça allait me taper direct. Ben, mais c'est non, pour ça que j'attendais ton point de vue, justement, là, vu que tu sais que t'aimes pas ça, là, tu tripes pas. Là. Non, mais sans farce, moi, je le sens pas vraiment. Moi, je le sens pas. J'avoue pas que moi, il faut que ça goûte beaucoup pour que je le sente. Ouais. Là, mais. Mais c'est super bon, par exemple, c'est doux. Ça a du corps, c'est pas aqueux, là. C'est, non. C'est presque sirupeux, là. C'est savoureux. Puis pourtant, c'est pas une bière forte, là. On parle de. 4,6. De 4,6%. Donc, c'est pas fort. Ça m'étonne à quel point ça a du corps puis ça a de la consistance. Super belle couleur aussi. Mais la couleur me rappelle un peu justement du jus de poire non filtré, là. Ouais. Ben, en fait, moi, j'avais déjà une bu belle couleur, une blonde comme ça. La blonde parfaite. Tu sais, d'ailleurs, on pourrait peut-être se mettre ça de côté. J'aimerais ça qu'on goûte ça ensemble une prochaine fois. La blonde parfaite. La blonde parfaite, moi. Ouais. J'ai une de mes amies qui m'avait offert ça quand je m'étais séparé il y a 2 ans. C'était une petite blague comme ça. Mais c'était aussi, en plus d'être une excellente blague, une très bonne bière que j'avais beaucoup appréciée. C'est cette couleur-là, tu sais, c'était marqué bière blonde, mais je m'étais retrouvé avec une robe comme ça. Mais effectivement, ça fait fruit. Mais tu sais, les bons jus de fruits, toute la gamme des, je me rappelle jamais c'est quoi le nom. On a ça en bidon de plastique, là, à l'épicerie. Ouais, tradition. Oui. Ouais. Non filtré, tu sais. Les jus de pomme, les jus de poire tradition. T'achètes ça, tu passes à travers de ça une soirée. Ouais, ça rappelle ça, la couleur, le... Ça a l'air d'un... Ouais, tout à fait, un jus de fruits non filtré. Un beau jus de fruits, hein? Avec un, ça goûte un peu la purée de fruits, là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est exactement ce visuel-là qu'on a présentement. Je suis un petit peu déçu, parce que j'aime quand une bière fait une belle mousse, c'est un beau collet. Puis là, qu'on a à peu près... Ouais, ça, par exemple... Mais... Ben, dépendamment du type de bière de blé, généralement, c'est pas une bière qui fait un non, c'est si beau de collecte. C'est ça, mais je trouve que c'est fidèle au Corsaire. Le Corsaire, tu sais, nous ont, au fil des années, nous ont habitués à des belles découvertes, des belles surprises. Puis ça, c'en est une. Je serais curieux de la goûter même on tap. Là. C'est sûr que ça goûte pas la pantoute à la même affaire on tap. Moi, je vais être bien franc avec vous. C'est pas pour dénigrer le Corsaire, quoi que ce soit. Mais habituellement, je trippe vraiment pas sur les bières du Corsaire en canette. Je sais pas, tu sais, la Tanaka, ça a été quand c'est j'ai découvert le Corsaire, c'est avec la Tanaka, puis j'ai vraiment fait ah, c'est donc ben bon cette cette blanche là, ouais. Moi j'aime bien ça les blanches. J'ai un peu passé, maintenant je suis plus tu sais ambrée brune, mm-hmm. Mais j'avais vraiment beaucoup flashé là-dessus, sauf que en canette, je reconnaissais pas le produit que j'avais eu en fût. Donc là, j'étais comme ah, et là c'est pas mal. Mais, comme tu as dit, je suis vraiment curieux de goûter ça, justement, dans les robinets directement au Corsaire, parce que déjà là, je l'apprécie, j'aime le produit, t'sais, mais on, là-bas... On dit qu'on perd l'estragon, là. Je pense qu'il y a une raison. Je pense que la pasteurisation, due au fait que c'est en canne, il joue pour beaucoup, là. Probablement que au bar, directement du fût, qu'on va sûrement chercher d'autres choses qu'on a perdues, là. J'ai l'impression que mais souvent moi c'est puis je trouvais entre, là ça goûte pas que les canettes les bières du Corsaire malheureusement ne sont faites qu'en canette ne goûtaient que y avait un arôme métallique. Ça goûte la canne. Ouais, ça goûtait la canne. Je trouve que ça goûte la canne. Mais celle-là c'est pas si pire. Okay. Je trouve que c'est peut-être parce que je préfère ben pas que je préfère mais que j'apprécie la bière en canne. On dirait qu'elle vient plus froide ou je sais pas là. Ben moi ça dépend des bières, les bières légères pas, avec pas trop d'arômes à travers, ça me dérange pas. Mais on dirait que dès que ça devient vraiment tu sais des bières aromatiques avec des tu sais des vraiment des saveurs fortes, je trouve qu'on en perd avec la canne. Je sais pas, c'est peut-être juste moi là, mais dans ce cas-ci, elle est bonne, je sens pas de ça goûte pas la canne. Ça goûte pas, il y a pas un arrière-goût métallique. Les arômes sont là. On va tout y regoûter là tranquillement pas vite là. C'est très très très léger hein, comme bière. Là. Ben, à 4.6... Tu sais, on parle du Corsaire, puis tout d'un coup, j'ai comme envie d'aller manger un fish and chip, là. Tu prends pas ça avec un fish and chip parce que tu goûtes plus rien, là, tellement c'est doux, c'est léger, c'est subtil, là. Moi, en fait, je suis surpris que t'aies le goût de manger un fish and chip après qu'est-ce qu'on a mangé. manger des gros burgers, faites maison, d'ailleurs. T'as bon mes burgers? T'as bon mes burgers de demi-livre? C'était très bon, mais justement, j'avais pas de place pour même un excellent fish and chip du Corsaire. Oui, d'ailleurs, on peut le souligner. Il est pas 9h. Hein. Il est juste 7h17. Mais on peut le souligner aussi pour ceux qui sortent pas si souvent ou qui consomment surtout des produits tels la bière de microbrasserie à la maison. Faut le dire que le Corsaire, c'est un établissement où ils servent de la bonne bière, mais aussi de la bonne bouffe. À Lévis, je suis pas allé c'est la... À Lauson, ils vont te servir des chips, des gugus comme ça. Mais il n'y a pas de cuisine. Non, ils ont l'avantage, par exemple, que si tu as faim, tu te cales une pizza ou un lunch de n'importe où. Tu as le droit d'amener ça. Tu peux le manger sur place. Mais depuis quelques mois déjà, le Corsaire de Lévis, à côté de la Traverse, ouais. C'est équipé d'un vrai cuisinier, d'un chef. OK, c'est que c'est pas juste la... Qui a retravaillé le menu, qui a refondu le menu, qui a instauré des nouveaux produits, dont le fish and chip, qui est excellent. Puis il a retravaillé ce qu'il y avait déjà là. Il a essayé des nouvelles choses. Il essaye encore des nouveaux trucs. Puis ça a grandement amélioré là, le menu qu'il nous offrait. Là. Moi, je me rappelle, en tout cas, moi, de mon expérience, les hot dogs, les gros hot dogs à l'européenne et les nachos est excellent. Ouais. Je me rappelle, je m'étais pointé, je pense que c'était avec toi. Oui. Puis avec notre ami Mathieu. Oui. Mathieu de Gatineau avec qui on se promène comme ça on le rencontre souvent dans les conventions, puis il est à Québec pour ses vacances. Puis on a décidé de traverser ici, de prendre une bière au Corsaire. Moi je sortais de table. Je suis arrivé au Corsaire à prendre une petite bière, là je vois les hot dogs passer, je fais puis je vois les nachos arriver. Je me suis collé un nachos puis un hot dog. Pas le choix, fait que je goûte. Ouais, puis j'ai bien fait. La poutine au porc effiloché ou au chili sont quelque chose aussi. Donc, il y a tout ce qu'il faut finalement au Corsaire et de la bonne bière, justement. Et voilà. Donc, la glacie, on pourrait le dire, bon produit, pas très chargé au niveau alcool, mais bon produit, on goûte bien le blé. On cherche la poire et l'estragon, par exemple. On nous annonce ça. La poire, je sens peut-être un peu le sucre dans... Ouais, c'est subtil. L'estragon, peut-être à cause de la canne, comme on disait. Moi, je le goûte pas du tout. Ça sera testé, justement. Toi, t'aimes pas, il te gosse pas non plus. Non, c'est ça. Ça reste, par exemple, c'est une bière d'été. Tu vois pas ça l'hiver quand il fait moins 20 dehors, là. C'est comme, c'est trop léger, là. C'est... Non, non, c'est ça. Ben, je dirais pas nécessairement une bière d'été, mais tu sais, c'est standard, là. C'est pas un produit, Tu vois, mais j'associe ça à l'été tellement c'est léger, ouais. Ah ouais? Ouais. Sûr que, tu sais, en tout cas, nous autres, là, à l'émission, je sais qu'on est des bons amateurs de bière à fort dosage d'alcool, puis tu sais, des stouts, des choses, des trucs assez lourds. C'est, peut-être que pour nous, on est comme, ouais, peut-être, ouais. Parce que c'est quand même, c'est 4.6, c'est pas non, si c'est... léger. On a quelque chose de pas mal plus léger qui s'en vient, par exemple, en fin d'émission. Oui, on n'est pas à 4. Non, non, c'est ça, là, ça va être un peu plus vers la fin de l'émission. Mais ça a un goût léger. Ça a un goût léger, ouais. Mais savoureux quand même. Il y a une belle, une bonne saveur. Je trouve qu'elle est rafraîchissante, moi. Oui, oui, effectivement, c'est rafraîchissant. Puis comme je le rappelle, c'est pas aqueux. Comme certains produits légers qu'on a déjà essayés, c'était clair comme de l'eau, c'est pas aqueux, là. Il y a de la substance, il y a du corps, là. Il se passe quelque chose au moins, là. Oh oui. C'est pas, non, c'est ça, c'est loin d'être une bière insignifiante, un peu, tu sais, comme des Coors Light ou des trucs du genre. Non, à 4% d'alcool. Non. Goûte rien. Non. Non, non, on a un produit quand même avec une bonne saveur, avec une présence en bouche, justement. Mm. Puis, on a l'impression de boire de la bière. On n'a pas l'impression de boire de l'eau minérale. Exact. Voilà. On a un bon produit, juste qu'on cherche un peu la poire et l'estragon présentement. C'est ça. Il va falloir aller essayer en table. Ah, on n'aura pas le choix. On va être obligé de retourner au Corsière. Mais maudit. Tu parles d'une encourager affaire, une entreprise locale. Hey. Hey, maudite affaire. Surtout de qualité. Et hey, voilà. Ben oui, c'est les pires. T'es moi, j'aime bien mieux encourager une mauvaise compagnie. Non, non, c'est ça. C'est sûr et certain. Donc, messieurs, évidemment, comme le dit le nom de la chronique, là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Je suis déjà un peu fourré. Ouais, c'est la question. Et bien évidemment, quand on parle de la chronique bière et jeux, on va parler jeux également. On se demande à quoi on joue en buvant cette bière-là. Tetris. Ah ouais? Sur une bande d'arcade, bien évidemment. Ouais, oui, ben oui. On parle ça. On vous rappelle qu'Éric en a fabriqué une lui-même. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de revenir avec ça, là. Ou la meilleure version, tant qu'à moi, sur la Game Boy. Ouais. J'avoue que... Non, j'aurais... La version Game Boy originale, là, est le meilleur Tetris que je considère de tous les temps, là. Mais de base, moi... Qui était sa coche au bout, là. On dirait que les Tetris... Je suis vraiment pas un fan de Tetris, mais j'avoue que les Tetris où j'ai eu le plus de fun, c'est les Tetris version mobile. Game Boy, j'ai joué pas mal sur Game Boy, le Game Boy original. Ouais. Mais tout ce qui se fait mobile, c'est sûr, je sais pas, sur console à la maison, je trouve... J'ai jamais accroché plus sur console mobile. Il y a des très bonnes versions à l'arcade, là, mais honnêtement, là, Game Boy, là, le Tetris du Game Boy original. Tu sais, t'achetais un Game Boy, c'est le Tetris qui venait avec à l'époque, là. Ouais. Tu prends ça assis dans un bon divan, là. Tu relaxes, hein. Ouais, mon choix est fait. Tetris. Tetris du côté d'Éric, Andrew, de ton côté? Ben, je suis en train de pas mal chercher ça, là. OK, toi, tu cherches des références présentement. Non, ben. Puis vu qu'on a parlé de Tetris, moi, j'ai envie d'entendre le spot avec Isaac. Avec Isaac? Pas Isaac, si je me trompe. Avec Alexei Pajuntov? Ouais, c'est ça. Hi, et voilà. I'm Alexei Pajuntov. I'm creator of Tetris. Et voilà. And you are listening to Sans Maximal. Non, mais c'est pas rien, là. Ah, mais en fait, tu vas voir, Eric, tantôt, dans la sélection musicale, ça va te faire plaisir à ce moment-là, parce qu'on a j'en ai fait jouer, je pense, lors de ta dernière présence à l'émission, j'ai fait jouer Les Bâtards du Nord. Ouais. Et Les Bâtards du Nord, j'ai une toune aujourd'hui que je vais faire jouer, ça s'appelle Petrouchka. Et ça reprend la fameuse chanson Petrouchka, que certains ont connu dans leur enseignement musical au primaire au Québec, mais aussi des thèmes. Je pense, là, j'ai écouté ça rapidement, qu'il y a un petit quelque chose qui nous fait penser à Tetris là, dans cette chanson-là. Okay, okay. Tu portes attention. Ben, on entend ça. Donc, Tetris du côté d'Éric. Moi, j'ai trouvé le nom du jeu. C'est un jeu que j'ai joué dernièrement parce qu'il était gratuit sur le PSN, je pense, le mois passé ou l'autre mois d'avant. Puis je me rappelais plus du nom. Non, mais c'est cool. Je trouvais que ça fitait bien, mais je me rappelais plus du nom. Moi, je vais y aller avec Fez. Fez? Qui est un genre... Pas un jeu musical, ça? Non, c'est un jeu de plateforme énigmatique où on joue avec les perspectives. Oh! Alors, on reste dans le... Attends un peu, là. Même ça, tu m'en as pas parlé de ça? Ouais, ça me dit quoi? Ça me dit j'en quoi? Ai pas parlé, pas en tout. Non, mais j'aurais pu m'en parler à moi hors d'onde, là, mais... Non, du tout. Non. Ah ouais, bon. C'est le jeu tout en monochrome, ça, là? Non, ou c'est... Je suis confort avec un autre jeu qui ressemble à ça aussi, là? Messieurs, je crois qu'un lien vers le site s'impose. Tout à fait. Je vous fais ça dans quelques instants. Donc, fais de ton côté. Ah, ouais, non, toi, c'est le jeu qui a vraiment un rétro-look à la 8-bit, là? Ouais. Ah, c'est ça. C'est ça, puis t'as comme des cubes. Ouais, tu peux monter. Puis si tu fais une rotation de la map, tu peux grimper à des places où tu sautes pas normalement à cause de la perspective de vue de ton bonhomme. C'est ça, exact. Ça a l'air super bien, ça. Moi, en fait... J'ai envoyé le lien, messieurs, si vous voulez... constaté. J'ai ça de mon bord, là, Eric. J'ai juste oublié mon laptop chez nous. Ah, c'est... Oui, ça me dit quoi, ça? Hein? Oh, oui, j'ai... Je sais tout à l'heure. On va le mettre sur le... On va mettre le site sur la page de puissance maximale pour les gens qui veulent voir de quoi on parle, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Moi, de mon côté, j'aimerais essayer un jeu là-dessus. Pas un jeu que je connais, mais bien essayer. J'ai parlé la semaine passée de ça, de la série Le Fond de l'Affaire, série web sur YouTube en association avec jeuxvideo.com qui nous parle en fait des secrets de développement de plusieurs séries de jeux. Et hier, ou avant hier, j'ai écouté la capsule sur Super Meat Boy. Wow. Ça me tente d'essayer ce jeu-là. Moi aussi. Puis, je me semble que ça se prête très bien. Puis, on en a tellement entendu parler, en plus. En tout cas, j'en ai tellement entendu parler. Puis... C'est bien. Juste ça. Mais à un moment donné, je me suis découragé parce qu'il y a des tableaux qui tombent vraiment trop durs et j'ai pas la patience pour ce genre de jeu-là. Okay. Okay. Ah. Mais le jeu est très le fun. C'est juste parce que moi, je me suis frappé un nœud et c'est pas le genre de jeu où je fais comme « Ah, encore un autre genre, j'ai fini par me tanner, j'ai arrêté de jouer. » OK. Mais vous savez, en tout cas, si je me fie justement aux gens de la gang du fond de l'affaire, c'est que Super Meat Boy, c'est comme une version... disons amélioré de Super Mario Bros. Évidemment, c'est un plateforme, mais les gars se sont vraiment inspirés de Mario, pas de Super Mario, de Mario Bros. 1 pour évidemment partir ça. Et le monde qui faisait des speedruns, pour être plus précis. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas un platformer classique. Non, ça y va. Un point A, un point B, tout peut vous tuer, puis il faut que vous opérez sur un quart de tour. Ouais. Mais les contrôles sont très, très précis, et c'est quand on meurt, on n'a pas l'impression qu'on s'est fait avoir par le jeu. C'est qu'on a manqué de dextérité. Ouais. Puis il y a une belle, je pense, je me rappelle bien, là, d'après ce que je pouvais voir, il y a une belle physique au niveau du contrôle des sauts. Là. Oui, non, le jeu est vraiment sa coche. Là. Quand je dis que à un moment donné, ça tombe vraiment dur et que je me suis découragé, c'est pas parce que le jeu est impossible, c'est juste que je suis pas bon pour ce genre de jeu-là. Puis à un moment donné, je me suis juste découragé de jouer. Là, toi, Andrew, on a M. Vincent Langlois, ancien animateur de l'émission, qui vient de commenter sur la bière. Il nous dit qu'elle est excellente, mais que lui, après une, il y en a. C'est correct, il y en a assez. Mais j'avoue que... Ah, d'ailleurs, M. Michaud, je me suis permis de taguer le corsaire tout sur à le fait. Nom de la bière. Tout à fait, t'as bien oui, fait. Ben oui, ben oui. J'aurais tendance à être d'accord avec Vincent. Peut-être une autre de plus, mais tu sais, j'en prendrais pas quatre de même. Là, ça dépend où, je dis pas. T'as un bel après-midi, terrasse du corsaire, tes enfiles l'une après l'autre. J'avoue qu'il faudrait qu'elle soit plus fraîche que ça. Parce que là, elle est fraîche, mais... Elle est fraîche. Elle est pas frette. Ouais, je me range un peu du côté de Vincent, mais plus froide, là, j'en prendrai plus, effectivement. Ouais. Donc, voilà, messieurs, écoutez, on va passer à la note finale. Donc, évidemment qu'on parle de corsaire, combien de perroquets sur 10 donnez-vous à la glacie? 7. Un 7 pour Eric? Un 7 pour moi. J'y vais avec le 7, moi aussi. Et j'irai pour un 7,5, moi, je l'aime bien. Tu vois, plus froide, puis on tap... C'est sûr que mon score change. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon. Et dans les conditions actuelles, moi, c'est un 7. Ouais, mais ce sera à tester sur les barils, dans les robinets, voir à quoi. Et si on a. Parce que ça change tout, hein. Moi, j'aime beaucoup la bière. J'aime bien la bière aux abricots de McLassen. Ouais. Je l'aime beaucoup. Il y a une année où j'en ai pris au Festibière en fût. C'est le jour et la nuit. Elle était tellement meilleure, là. Elle est bonne en bouteille, mais en fût. La pasteurisation. Ça scrape tellement de choses dans la bière. Là. Ah, dans la vie en général, mais c'est sans faire, j'avais été... Vincent dit qu'il est d'accord, deux glacis max. Ah, voilà. Donc, merci Vincent de ton approbation. Donc, c'est sans farce, ça avait été le jour et la nuit. Donc, je suis vraiment curieux voir si on va retrouver la fameuse poire et l'estragon si on se rend du côté du corsaire. En tout cas, c'est lancé. Donc, un 7 pour M. Castegan et M. La Jeunesse et un 7.5 pour moi pour la glacis du corsaire. M. Castegan, évidemment, on va pas tous goûter les bières en même temps. On va y aller graduellement comme ça. Donc, ce sera un peu plus tard dans l'émission qu'on va goûter la deuxième et la troisième. En fait, la troisième, on va sûrement goûter ça en fin d'émission quand Louis-Étienne sera là pour partager avec lui. On a en masse. Et M. Castegan, on va se rendre en musique. Et là, évidemment, vous connaissez mon petit côté coquin. Je mets de la musique assez variée dans l'émission et aussi pas toujours clean. Et vu qu'Éric était là et qu'on sait qu'Éric est jamais vraiment clean, j'ai pensé à lui avec une toune. Parce qu'il va faire me traiter de sale. Non. Je parle de tes pensées. Ah, okay. Et évidemment, moi j'ai décidé, tu sais, dans la chanson, là je veux dire. J'irai pas avec du gros métal lourd, avec des paroles sulfureuses. Je vais y aller dans la chanson française, mais avec celui qui s'est autoprogrammé le pornographe de la chanson, Monsieur Georges Brassens, avec la chanson Fernande. Évidemment, vous allez bien comprendre en écoutant la chanson que c'est pas très propre, mais c'est un classique. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles, Georges Brassens et Fernande, à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis ému jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore, mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Puissance Maximale vous présente les nouvelles ludiques. Et oui, mesdames et messieurs, de retour à Puissance Maximale, vous avez entendu Fernande de Georges Brassens. Et nous revoilà venus en nouvelles ludiques. On va commencer avec M. Castegan et sa chronique « Saviez-vous que... » Oui, saviez-vous... Ben, c'est, je trouve ça drôle parce que c'est dans le « Saviez-vous que... » Mais en même temps, c'est comme une nouvelle non confirmée confirmée. Ben, vas-y donc. Fait que je fais un 2-pour-1 un peu en quelque sorte. Go, go, go. Il y a 4 icônes de coupe non utilisées dans Mario Kart 8 pour des circuits qui ne sont pas présentement dans le jeu. Oh! Il s'agirait probablement de futurs DLC, puisqu'on sait que Nintendo emboîte le pas dans les DLC. Mais êtes-vous curieux, messieurs, de savoir quelles sont ces 4 coupes? Mais bien sûr! Il y a la coupe Sunshine, avec le soleil. La coupe boue. Attends, c'est-tu le méchant soleil, genre de Mario Bros 2? Non, les Sunshine, c'est le... qu'est-ce qui remplaçait les étoiles dans Mario Sunshine? Ah, voilà, voilà, d'accord. Donc, la coupe boue, la coupe Yoshi, qui est un œuf. Un œuf. Et la coupe Blue Shell. Oh! Ça doit être hardcore, ça, là. Ben, je présume. Tout le monde pogne des Blue Shell tout au long des 4 courses de la coupe. Ça y est, c'est malade. OK, ça fait que, donc, c'est possiblement... ça sera possiblement et le nom des fameuses icônes sur dans les fichiers du jeu s'appelle Cupicon DLC. Donc on a le droit de penser que ça pourrait s'en venir pour des DLC prochains au niveau de Mario Kart 8. Monsieur Castellan, on va passer une nouvelle, ma foi, étrange. Une déclaration qu'aurait fait Shigeru Miyamoto à propos du casual gaming. Oui, en fait, c'est lors d'une interview accordée au magazine Edge que le maestro, pourtant figure sympathique et de bonne amie, qu'est Shigeru Miyamoto, qui s'est quand même permis... On va rappeler rapidement Shigeru Miyamoto, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le papa de Mario et de Zelda. Oui. Donc, pour ceux qui... C'est le créateur le plus connu de l'univers vidéoludique, en fait. Pas mal, pas mal. Donc, pour rappeler à certaines personnes, qui est cet homme? Et il s'est permis de faire une critique quand même assez... assez vive sur les... Assez virulente, toi. Sur les casual gamers. Et la déclaration est en deux temps. On va commencer par la première, qui est... Ils sont, en parenthèse, les casual gamers, comme ces gens qui, par exemple, peuvent avoir envie de regarder un film ou d'aller à Disneyland. Ils pensent « Ok, je suis un client, vous êtes supposé m'amuser. » Ils prennent une attitude plutôt passive et pour moi, c'est quelque chose d'assez lamentable. Ils ne savent pas à quel point il est intéressant d'aller un peu plus loin que ça avec des jeux plus élaborés. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape est en fonction, justement, le reporter de Edge. Je trouvais que c'était une déclaration quand même un peu hypocrite de la part du créateur, car il faut se rappeler que Nintendo avait justement été chercher justement ce public de casual avec la DS et la Wii. Donc, Miyamoto a répondu en disant « À l'époque de la Wii et de la DS, Nintendo a fait de son mieux pour élargir la population des joueurs. Heureusement, grâce à l'expansion des smartphones, des tablettes, les jeux font désormais partie de la vie des gens. Et c'est une bonne chose pour nous, parce que nous n'avons pas à nous inquiéter de faire des jeux quelque chose qui les touche dans leur vie quotidienne. » Donc, c'est la déclaration de Miyamoto. J'aurais tendance à être d'accord avec lui pour sa première partie, en disant, regardez, effectivement, on est là pour vous offrir des produits qui peuvent être vraiment d'une belle complexité, qui va vous faire réfléchir, vous faire vraiment travailler, mais tout en vous amusant. Ça, je comprends très bien ce qu'il veut dire, puis je suis vraiment d'accord avec lui. Tu sais, pourquoi se contenter du minimum quand on sait très bien que l'industrie est capable du meilleur? Dans les jeux... des excellents jeux dans lesquels on a joué, puis on en parlait tantôt, pendant qu'on soupait les trois, tantôt, on s'est dit, semble qu'avec la présente, la nouvelle génération qui vient d'arriver, PS4, Xbox One, on parle pas de la... Oui, hein? On parle pas de la Wii U, là. La Wii U est arrivée un peu avant, parce que la Wii U est en train, justement, de faire quelque chose de plus intéressant à ce niveau-là. Mais on se disait, il me semble qu'il y a pas de jeu dans cette nouvelle génération-là où on a fait « Oh mon Dieu! » Qu'on appelle des « console sellers ». Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, là, qui est les porte-étendards de ces nouvelles consoles-là, puis qui vont faire que ça va se vendre, tu sais. Merci pour la traduction, M. Michaud. Le porte-étendard. Ouais, c'est pas pire, hein? Ouais. Donc, c'est... Il n'y en a pas, et je suis d'accord avec vous, là, c'est vous qui discutiez de ça tantôt, puis je me suis inséré dans la discussion, en fait, vous avez totalement raison. Puis Eric est arrivé en disant, mais Nintendo sont en train, justement, de rattraper le temps perdu, et de façon assez solide. Oh, ouais, c'est clair, hein? Avec les annonces qui ont été faites au dernier E3, le Mario Kart 8 qu'on a eu, qui est une merveille, qui est vraiment un très bon jeu. Le Smash Bros. Le Smash Bros. Qui s'en vient. Qui a eu des leaks là-dessus, d'ailleurs. Ouais, on en parlera un peu plus tard, justement, dans les nouvelles, d'autres annonces faites par rapport à ça. On a des titres vraiment intéressants, puis spécifiques à Nintendo. C'était juste un exemple, Wonderful 101, qui est un genre de jeu de super-héros un peu à la Pikmin. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais la majeure partie des gens s'entendent pour dire que c'est un excellent jeu, et seulement une console comme Nintendo peut accueillir ce genre de jeu-là, parce qu'un jeu comme ça n'aurait pas sa place sur une plateforme comme Xbox One et PS4. Ben, elle aurait sa place, sauf que ça se vendrait tellement pas. Ben, c'est non, ça. C'est ça. Puis, tu sais, on peut faire des jeux de ce genre-là dans les autres consoles, mais... Ils ont fait un move super intelligent, je trouve. C'est la promotion qui venait avec l'achat de Mario Kart 8. C'était quoi la promotion? Tu rentrais un code, puis tu pouvais choisir quand Pikmin 3... oui, des jeux. Zelda, Wind Waker HD, tu sais, plein de trucs intéressants. Ça leur coûte rien, vous le téléchargez, là, c'est pas un CD. Exact, là. Fait que tu sais, moi, j'ai downloadé Pikmin 3, c'est un jeu que je voulais de toute façon, là. J'aurais payé 60$ pour le jeu, là. Mais tu sais, ils me l'ont donné. Tu sais, c'est... C'est un vrai incitatif à l'achat. Oui, oui, oui, oui. Et en plus, c'est un... On parle, comme on disait tantôt, on parle de quelqu'un qui a eu une Wii U à sortie, il n'y avait pas de jeu, il l'a revendu. On parle de toi. Ils se sont mis à sortir les jeux s'il y en aurait acheté une. Là, ben oui, non. C'est ça, puis en plus, faut pas oublier... Là, ils livrent la marchandise là, depuis une couple de mois. Là. Ouais, c'est ça. Ils parlent d'un Metroid, ils parlent d'un Star Fox. Ça allume la gamer, ça, là. Mais tu sais, on parle... Puis là, c'est ça, les gens, ont justement, dans la nouvelle, traite un peu M. Miyamoto d'hypocrite. Vu le public cible un peu des consoles de Nintendo, mais en fait, il a aussi raison en disant que grâce, puis on peut dire, là, c'est grâce à la Wii que le monde du gaming s'est élargi, puis ce n'est plus qu'une histoire d'hardcore gamer que de connaisseurs, tu sais. Pis, non, effectivement, pis, mais il respecte ton casual gamer aussi. Hein. Ouais. Ça peut être une mère ou un père de famille qui a pas le temps de s'investir dans d'autres choses. Tout à fait, tout à fait. Mais qui va acheter des jeux sur iOS ou Google Store, peu importe, là, mais il va dépenser un peu de cash dans une année. Là. Moi, j'ai l'impression que... En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que ce qu'il a voulu faire, peut-être, c'est critiquer le fait que l'industrie, maintenant, se modèle beaucoup sur le casual. Sur le casual gamer puis leurs besoins. Je trouve ça assez déplorable du fait qu'on... Ça te prend autant de place dans le marché. Ben, t'es juste un exemple. EA ont une fâcheuse tendance à s'en aller vers là. Ils ont des grosses franchises, comme exemple Dungeon Keeper, qui était le jeu de gestion de Dungeon Engineering du côté d'un Overlord méchant. T'sais, on avait un seigneur de donjon, on creusait notre donjon et on allait péter la gueule à un autre donjon pour ramasser de l'orbe de puissance. Oui, c'était un bon jeu, excellent jeu sur PC. Et qu'est-ce qu'il est devenu depuis qu'EA a repris ça? Un jeu de smartphone où on fait des actions, puis après un certain temps, il faut qu'on attende à peu près une heure ou deux pour en jouer. C'est quoi ça? C'est pas Dungeon Keeper. On veut tout adapter au casual. Ben, c'est ça. Tous les concepts, tous les modes de jeu. Même pis... les Sims y ont passé. Puis on s'entend-tu que les Sims à base, c'est un jeu quand même assez casual, là? Ben, c'est assez casual, mais quand même assez complexe, là, à atteindre les buts que tu dois atteindre justement dans les Sims pour avoir des personnages mais tout le temps ça heureux. Ça a été adapté à un smartphone, un format casual où on fait des choses. Donc là, il y a ça, effectivement. C'est effectivement bizarre de voir un dirigeant d'une grosse boîte comme Nintendo sortir de façon aussi virulente comme contre un type de joueur. mais je peux comprendre un peu sa frustration. Par exemple, on viendra pas me dire, là, on a cité justement, on vous le rappelle, le jeuxvideo.com. Okay, permettons-nous de critiquer les médias de masse. Ben, c'est ça. Ben, de masse. C'est un média de niche, un média spécialisé, mais tu sais. Ben, il est quand même, il est plus mainstream. Oui, que... non, c'est sûr, mais ça reste spécialisé. Puis là, ce gars-là, cet article-là nous dit que, tu sais, Nintendo est un peu hypocrite parce que c'est les casual gamers qui ont permis de garder la firme de Kyoto à flot. Non, là, on va arrêter deux secondes, là. On l'a dit, la firme de Kyoto, là, on parle de Nintendo quand on dit ça, ils sont pas maintenus à flot à cause d'eux autres, là. Je veux dire, les grosses franchises qui tiennent à flot Nintendo, c'est justement les Mario, les Zelda. Et c'est qui achète ça? Ce n'est pas que, c'est loin d'être que des casual gamers. C'est pas casual. Non. Puis de toute façon, on le sait, puis on a vu ça plusieurs fois. Dans la dernière année, on a vu des nouvelles, on en a parlé souvent avec Andrew à l'émission, que Nintendo, là, ils sont pas en danger financier. Ils ont assez d'argent pour refaire une à deux fois, sinon plus, un flop commercial de console. Mais c'est parce qu'ils sont pas cons chez Nintendo. Ouais. Vous pensez qu'ils sont là depuis si longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours quelque chose en arrière. Faut dire une chose. C'est une compagnie qui, à la base, vendait des jeux de cartes. Ouais. Oui, ben oui. Puis regardez où est-ce qu'ils sont rendus. Mm-hmm. Mm-hmm. Ils sont extrêmement sélectifs sur les dirigeants qu'ils ont dans leur compagnie. Puis ils sont pas rendus là pour rien. Pour une console expérimentale qui peut risquer de faire un flop, il y a toujours une console qui a un succès commercial qui est à flot. C'est pour ça. Si les deux vont moins bien, qu'est-ce qu'on fait? On sort des Zelda puis des Mario, ces deux consoles. Et voilà, des machines bons imprimées jeux. De l'argent, non? C'est des bons jeux. La plus belle preuve de ça, c'est le Virtual Boy, là. Oh oui, non, c'est ça. C'est assez n'importe quoi, là. Ah, notre collègue est là. Ah, donc on va pouvoir aller le rejoindre. Mais oui, effectivement, le Virtual Boy, excellent exemple. Un des pires flops de l'industrie, mais Nintendo toujours là à nous offrir. Ça a même pas paru, c'est une petite vague. Non, c'est ça. Puis même, tu sais, les jeux avec les gros titres, justement, tu sais, avec les franchises connues comme Mario, Zelda, pis ces affaires-là, sont rares. C'est rarement des flops autant au niveau critique qu'au niveau populaire, là. C'est souvent des très bons jeux. Donc, ils nous servent souvent les mêmes franchises, mais avec des titres toujours intéressants. Des fois, il y en a des moins bons, c'est sûr et certain. Ça peut pas être tous des chefs-d'œuvre. C'est justement Wind Waker, il y en a pas mal qui l'ont moins aimé, mais ça reste quand même un pas pire jeu. En là. Fait, Zelda Wind Waker est un bon jeu. C'est juste qu'il se démarque moins versus ses prédécesseurs dans la franchise. C'est l'esthétique est différente, puis tu sais, le gameplay change un peu. Ils ont voulu expérimenter. C'est en plein ça. C'est parce qu'en fait, ils ont mis le nom de Zelda, puis ils ont mis le bonhomme en fait, à bien en ligne, mais ça aurait pu n'importe quoi d'autre. Vous connaissez l'histoire en arrière de Wind Waker? Vas-y donc. C'est que, en fait, le vrai Zelda qui était supposé de sortir avant Wind Waker, c'était Twilight Princess. Sauf que Miyamoto n'était pas satisfait de l'engin, du script et de la façon que le jeu allait. Fait qu'ils ont décidé de tester un nouvel engin graphique qu'ils voulaient avoir pour d'autres jeux, t'sais, des Mario, des choses comme ça. Puis ils ont mis une autre équipe pour faire le script d'un autre projet de Nintendo qu'il y avait pour Zelda, qui est un peu une histoire inspirée de Link Awakening, qui se naufrage avec un bateau. Fait qu'on dit, on pourrait peut-être travailler sur ce genre de monde-là avec un bateau, un Hyrule, pour essayer d'aller chercher un nouveau lore, puis ça va nous permettre de tester l'engin, faire des tests, puis maintenant, ça va laisser l'équipe principale continuer à travailler sur Twilight Princess. Donc, Twilight Princess, en réalité, est le vrai jeu qu'il aurait dû avoir sur la GameCube avant même que Wind Waker sorte. Donc voilà. Parce que Wind Waker, en plus, c'est pas Wind Waker, mais Twilight Princess était une tech démo sur la GameCube. Ouais. Puis de toute façon, Wind Waker se vend encore. Il est pas mauvais, mais le jeu. Il est très bien vendu, tellement, sur Wii U. Tellement pas, justement, qu'ils viennent de faire un remake HD. C'est ça, là. Ça fait que c'est même dans les. Puis il y a de la gueule sur la Wii U en HD. Ouais, mais tu sais, comme je viens de dire, tu sais, il aurait pu mettre n'importe quel nom, n'importe quel personnage, puis il aurait passé pareil, là. C'est comme ils ont slappé un Zelda, puis il y a un Link là-dedans pour faire un jeu de Zelda, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, tellement c'est différent du reste, là. Mais c'est la preuve que peu importe, même si le jeu est peut-être pas de la même nature que ses prédécesseurs ou que dans la lignée de cette franchise-là, c'est quand même des bons jeux, ce que fait Nintendo dans sa niche. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre de dire que c'est les casual gamers qui gardent Nintendo à flot. Non, Nintendo se garde à flot elle-même, selon moi, et selon, je pense, pas mal tout le monde ici. Microsoft puis Sony étaient où quand on jouait à Punch-Out en 88. Non, non, Sony vendait des Walkman, des étudeuses à riz, hein. C'est ça, tu sais, c'est gars, c'est... Ah, tu vois, on a M. Vincent Langlois là, qui m'écrit, qui me dit que Wind Waker reste son Zelda préféré ever, même si c'est un vieux gamer, tu vois. Chaque goût est dans la nature. Mm. Et voilà, c'est une autre preuve. Merci, Vincent, de ton commentaire encore si éclairé. Moi, je vais aller ouvrir Au ouais, c'est bon, parce que Louis-Étienne est arrivé pendant qu'on discutait. Donc, voilà, peut-être une dernière nouvelle. Après ça, on pourrait peut-être passer en pause de l'heure, M. Castegan. Ben, tant qu'à parler de Zelda... Zelda Wii U, on parlait de monde ouvert ou pas? Et je vais faire une parenthèse en même temps. J'ai trouvé les informations pour la nouvelle de Lizard Squad. On pourra en parler plus tard dans l'émission. Excellent. Parce que ça fait beaucoup bouger dans l'univers ludique, ce groupe de hackers-là. Mais parlons de Zelda. Zelda Wii U, monde ouvert ou pas? Parce qu'il faut savoir que lors du E3, Nintendo avait annoncé Zelda Wii U comme étant une nouvelle expérience de jeu dans un monde ouvert. Donc, fait que là, le monde se sont fait... ben des idées. Ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que je me rappelle, et je réécouterai la vidéo, je me rappelle mot pour mot qu'est-ce qu'ils disaient. Ils ont dit c'était quoi leur source d'inspiration pour l'open world. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi que le monde se sont tant donné des idées là-dessus, puis que Nintendo sont obligés de faire le point là-dessus. Mais je vois, en même temps, je vais dire la chose suivante. Il a fallu qu'ils fassent un statut officiel pour dire que Sheik était Zelda déguisé. Fait que, ah non, c'est d'un ça. Autre point de vue, les fans, des fois, là. Ça m'étonne pas. Mais bref, Nintendo ont dit que le open world de Zelda Wii U ne sera pas un open world à la style de Skyrim ou encore GTA ou tout autre jeu open world que sur le marché. On pourrait dire finalement que c'est un monde libre plutôt qu'un monde ouvert. C'est ça. En fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va être clair, les intentions du monde ouvert que le studio a n'est pas ce que GTA ou Skyrim font. On veut faire quelque chose de totalement différent des autres studios. On parle ici d'un monde ouvert à la Zelda 1. Donc là, le monde va dire, OK, dans le fond, un monde avec plein d'ennemis, puis on se promène, puis on parle à des petits bonhommes dans des cavernes, puis that's it, là. Mais non, on parle ici d'un principe que vous avez des donjons, vous savez que vous avez des donjons à les faire, vous avez une trame narrative, vous avez des villages comme Zelda 2, exemple, vous pouvez vous promener comme vous voulez, faire l'ordre des donjons comme vous voulez, mais il n'y a pas 42 milliards de quêtes secondaires. C'est un Zelda. C'est un Zelda. Voilà. Vous êtes Link, vous devez sauver Zelda, vous avez des temps, vous devez ramasser soit des souliers, soit des morceaux de Triforce, des larmes de Maiden, ou peu importe qu'est-ce qu'ils vont mettre comme objet à ramasser. C'est ça votre mission, c'est Zelda, ça a toujours été le même. Par contre, ça va être un monde qui va vous permettre de vous promener comme vous voulez dans Hyrule. Il va y avoir de la vie, bien sûr, il va y avoir de la faune, il va y avoir de la créature, il va y avoir des villages. Mais quand vous allez aller dans les villages, ça va être des NPC qui vont vous parler, mais ils sont pas là à dire « Ah non, mes poulets, ce sont... » Ben peut-être qu'ils vont voir ça, parce que... Ouais, parce que ça en prend un, là, donc il faut ramasser les poulets. Ouais, pour avoir une bouteille. C'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que il n'y aura pas de side quest à d'envergure comme Skyrim. Là, c'est à l'infini. Vous allez avoir les quêtes secondaires typiques qu'on retrouve dans un Zelda, mais dans un monde libre. Donc le terme, c'est monde libre. Voilà. Je suis pas fou, hein? Non. T'es fort à soir, mec. Ah, pas pire, hein? ça va vite. Donc voilà, mesdames et messieurs, ne pas s'attendre à ce qu'on puisse justement avoir des quêtes à l'infini dans Zelda, un monde libre comme dans l'ancien temps, mais avec une sauce moderne, on va dire ça comme ça. L'ancien temps. L'ancien temps. Va donc chier. Moi aussi, j'ai joué à ces vieux Zelda-là, tu sauras. Dans l'ancien temps. L'ancien temps. Moi aussi, j'ai l'histoire de mon chauffe-eau au poêle à bois. Oui, oui, c'est ça, tu sais. En passant, Louis-Étienne, bonjour. Bonjour, Louis-Étienne. Bonjour. Bienvenue dans les studios, ça va bien? Oui, oui, merci. Et là, prépare-toi, parce qu'on va aller en pause musicale, et à notre retour, ce sera le temps de parler bien. Et jeu tout de suite après, parce que là, on a trois bières à tester à soir. Fait que, il faut que je me dépêche à boire la mienne, j'ai même pas fini l'autre. Donc, on va tester. Puis là, tu vas pouvoir embarquer avec nous dans cette critique, mon cher Louis-Étienne. Avec plaisir, oui. Et là, monsieur Castegan, on va aller en musique pour la pause, parce que là, il est 19h53, mesdames et messieurs, presque la fin de la première heure. Et comme le veut maintenant notre habitude à puissance maximale, on y va en double pause musicale pour la pause, justement, de mi-émission. Et on va y aller, justement, avec les Bâtards du Nord, dont j'ai parlé tantôt, avec la chanson instrumentale. Il n'y aura pas de paroles, faites pas le saut, mais la chanson Petrouchka, avec donc saveur russe, et je pense qu'il y a des petites saveurs de Tetris à travers. Faudra bien écouter. Et tout de suite après, un classique du hard rock, heavy metal. On va y aller avec la gang de Black Sabbath et la chanson Snowblind. Oh, ça fait plaisir. D'ailleurs, que System of a Down avait fait une très belle reprise de cette chanson-là. Ouais. Je me rappelle, je pense que c'était sur l'album Still This Album, je crois. Donc, ce sera peut-être à vérifier par la pause. Donc, voilà, on vous envoie les Bâtards du Nord avec Petrouchka et tout de suite après Snowblind de Black Sabbath. Dans vos oreilles, à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM Lévis. capitale de Zagandar ne réussit pas à percer les murailles du château. Ah, sale verre baveuse! Mettez la puissance maximale! Puissancemaximale.com. Et oui, de retour à Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Vous avez entendu deux excellentes chansons. Tout d'abord, Les Bâtards du Nord avec Petrushka. Et après, Snowblind de Black Sabbath. Et pour répondre à la question qu'on avait tantôt, là, je vais faire ça rapidement. Là, là sur... Encore pendant la pause. Hein? Pas fait ça pendant la pause. Non, mais là, j'avais plein d'affaires à faire pendant la pause. Pas fait ça pendant la pause. Non, non, non. J'étais en train de prendre des photos des jeux parce que là, vu que Louis-Étienne est arrivé, on a pris des photos pour pouvoir vous mettre ça sur la page Facebook. Sans Rampage, je tiens à le préciser. Ouais, malheureusement, mais on a un autre jeu qui a, en tout cas, qui a un attrait. Qui a un attrait. De taille. Ou même plusieurs attraits. Plusieurs attraits. Vous pourrez voir. Il fallait bien compenser. Non, c'est ça. T'as-tu mis des têtes de cheval sur la photo, si c'est trop subjectif? Tête de cheval? Non, ouais. Non, non, non. Ben pour censurer, c'est génial, des têtes de cheval. J'ai pas le temps de faire ça. donc, là, je suis en train de le chercher. J'ai tout perdu mes référents là, pendant qu'on se choisait. Ça... Perdu tes moyens à regarder un casque, mon cochon? Non, non, parce que vous ne fermez pas vos boîtes. J'essaie de faire mes affaires. Donc, voilà. Ben, écoutez, je checkerai ça plus tard. Tout simplement, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission. Mais je pense, en même temps, c'est même pas sur un album. Je pense que c'est sur un single qui avait fait la reprise de Cinema of a Down de Snowblind, tout simplement. Bref, donc, il a dit n'importe quoi, puis là, il est prêt à le prouver. Non, mais je suis sur le track listing, justement, de Steal This Album, puis il n'est pas là-dessus. Je sais pertinemment qu'il n'est pas sur Toxicity ni sur le premier album de Cinema of a Down. Ce qu'on ferait pas pour acheter du temps. Non, mais moi, j'explique ce qui se passe présentement. On me pose des questions, je réponds. Et il n'est pas non plus sur Mesmerize et Hypnotize. Donc, effectivement, c'était sur un single. Voilà, c'est dit. Merci. Donc, si vous êtes d'entendre la version de System of a Down, ben, notre ami YouTube est là pour vous aider, mesdames et messieurs. Et puisque nous sommes de retour dans notre pause de mi-émission, il est temps de goûter à une deuxième bière, et cette fois-ci, on parle d'une ginger ale, mesdames et messieurs. Une vraie? Ouais. Une vraie de vraie. Une vraie de vraie ginger ale. Pas du canadienne. Non. Canada Dry. Ouais, exact. C'est ça. Le champagne des ginger ale. À la versée... Ça sent bon. Donc, on rappelle... Oh, que ça sent ça bon. Ça s'appelle Sorachi Ace. Ouais, monsieur. De la gang de Dunham. De Pit Caribou. Et Pit Caribou. Ouais. Donc, deux brasseries qu'on aime bien. Je crois des bons produits. Pas pire. Ouais, t'en as-tu versé un verre à... Ben oui, voyons okay, là, donc. Là, j'ai dit, ah, là... Je sens plus tantôt. Il va pas faire son sauvage puis pas donner à Louis-Étienne. Mais non, j'en ai. Donc, c'est que tu me déçois. Messieurs, santé. Santé. On va goûter à ça. Oh! M'as essayé de pas sniffer comme tantôt. Ouais, non, mais déjà l'odeur. Hein? Oh. Ça fait pas semblant, hein? Ça sent, là. Elle goûte à punch. Elle picote dans la bouche. Je me sens agressif, soudainement. Mais j'avoue que, non, tu sais, la glacée qu'on a goûtée tantôt, pas très pétillante. Non, celle-là, elle est beaucoup. Oh oui. Ah, puis on voit le beau dépôt, là, dans le fond du verre. Oui, oui. Puis regarde ça, les belles bulles montées, là. C'est de toute beauté. Une belle petite mousse. On est vraiment pas dans le même genre de produit qu'on avait en début d'émission, mesdames et messieurs. Vraiment pas. Les gars, je pense que je suis en amour. Ah ouais? On parle d'une ale à 5,2% d'alcool. Est-ce que ça se vend seulement dans le format 750 ml, mon cher? Je crois que oui, je l'ai pas vu. Autrement. En petite. Donc, on parle évidemment du format grosse bouteille ou, si vous voulez, bouteille de vin. C'est exactement le même format. Ouais. Donc, on est devant un produit très gazéifié. Ça attaque le palais, hein? À peine. Quand tu t'envoies ça dans la bouche, tu te rends compte que c'est pas de la Guinness. Non, c'est pétillant, c'est actif, c'est vivant. On va dire ça comme ça. Il semble que je sens le dedans des joues qui me tire un peu. Là. C'est bon. C'est bon. Super bon. Ouais. Mais c'est particulier, par exemple. C'est un. Mais tu sais, ça goûte beaucoup le gingembre. Maintenant, reste à savoir si on retrouve les propriétés du gingembre. J'ai une érection et j'ai plus mal au cœur. C'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on... C'est les cartes. Est-ce que tu parles... vous allez tout comprendre, mesdames et messieurs, mais quand on va parler du deuxième jeu que Louis-Étienne a apporté tantôt, vous allez tout comprendre. Ça va remplacer Rampage? D'une belle façon. Non, c'est d'une belle façon. Il y a quand même une petite déception, mais... Enfin, ça aurait été cool de voir Rampage. Ce n'est que partie remise. Oui. Non, c'est ça, là. Là, mais... il va falloir qu'Eric y vienne. Parce que, normalement, il est là, mais tu sais, il a été moins fiable, là, les dernières fois. Ouais, un déménagement, là, vente séparation, de maison. Séparation, vente de maison, déménagement, tu sais, maintenant. Une raison de plus pour qu'il vienne, la prochaine fois. Non, c'est ça, next time. C'est ça. Mais, oui, donc, produit... Mais maintenant, je peux. Je peux venir où je veux quand je veux, mais il reste plus proche maintenant. Ouais. En plus, tais-toi. Taisez-vous. T'es supposé me parler de bière. Là. Donc, produit ma foi étonnant. C'est pas mauvais du tout. Oui. Et je suis agréablement surpris. Non? Ouais. Par contre, je vais dire comme Vincent a dit pour la glacie tantôt, une complète comme ça, une grosse bouteille, c'est quelque chose. Mais c'est bon, là. Moi, j'aime ça, là, mais... Ça vient te chercher en quatre parts. Oh oui! Comme je dis, à punch. T'sais, quand t'en prends une gorgée, là, t'as sang. T'sais, c'est pas une bière qui glisse dans la bouche, là. T'sais, et dans ta bouche, puis elle dit « Hey, je suis dans ta bouche! » Oh yeah! Il se passe de quoi, là? On la sent passer, puis il y a une amertume aussi. Là. On la sent, là. Ouais. C'est comme si ça avait un rave, tu sais. C'est comme, t'as le party, puis après ça, t'as l'amertume de l'overdose de boissons et de drogue. C'est sur 750 ml, hein. C'est pas une bouteille. C'est pour ça que je dis un rave. Mais c'est surtout le fait que il y a plein d'arômes mélangés là-dedans. Il y a plein d'éléments, le fun, qui arrivent tout en même temps. Mais, hein. C'est que, j'avoue que ça surprend moi, tu sais, je venais de finir, tu sais, quand tu m'as versé mon verre, je venais de finir la dernière gorgée de la glacie. C'est que là, j'étais habitué au goût, là, ça fait un contraste énorme entre les deux. Ouais. Donc, on se retrouve devant un produit, ma foi, moins, en fait, tu sais, c'est pas lourd, je ne crois pas que cette bière-là soit très lourde, mais elle est tellement gazéifiée qu'on la sent. Quand même, là. Oh oui, déjà deux, trois petits rôles, là. Non, c'est de ça. Mon côté, là. Non, c'est ça. Tu vois, en attendant Maryse, parce qu'elle était absente quand je suis arrivé au dépanneur, j'ai comme fait le tour, puis j'ai fait un peu de repérage, puis ça a attiré mon attention. Puis quand elle est arrivée, elle me l'a proposé. Ah, tu vois, le destin qu'on a. Parce que c'est déjà un bon vendeur, puis elle en a en quantité en plus, là, pour ceux qui seraient intéressés d'aller l'essayer, là. Il y en a, là. C'est vraiment... C'est un bon produit, là. Puis c'est drôle parce que, tu sais, en plus, on parle de Dunham puis Pit Caribou, là. Non, c'est ça. On se trompe pas habituellement avec là, ces deux-là. Moi, je découvre Dunham au fil de mes chroniques, Dunham, là. Parce qu'à date, Dunham, on s'est pas trompé. Pas en tout, là. Dunham, c'est la 3 sur 3, là. Pas pire, oui. Oui. Avec la Propolis, là, du mois passé, là. Puis la saison framboise, là. Non. Au Fait-Tibière, le Dunham, là, super. Oui? Ah oui, j'ai adoré. J'ai pas pu aller cette année, fait que je sais pas. Et va savoir pourquoi, la plupart de mes jetons ont été pour Dunham et Pied de Caribou. Okay. Ah, tu vois, c'est encore une fois le mais, destin. Mais Dunham, je la connaissais pas avant que Eric justement, commence à emmener des bières d'eux autres. Moi non plus, mon ami. À date, très belle surprise, très belle découverte. Là. Mais là, pour ceux qui se posent la question à quoi ça ressemble tout ça, c'est envoyé sur la page Facebook de Puissance Maximale, cette excellente bière que l'on déguste présentement. Ça tient réveillé, hein? On va dire, à chaque gorgée qu'on prend, on est de retour. Vous dire, c'est ça, j'ai un rave. Oui, ça te ramène, non? C'est ça. Il y a un party dans ta bouche. Non, c'est ça. Mais non, c'est une belle découverte, mais la 750 millilitres. Donc, à la fin, là, ça serait surtout que c'est une bonne amertume aussi. Peut-être pas tiède non plus, hein? Ben, il faudrait peut-être accompagner par quelque chose de salé ou autre, là, pour couper. Ouais, ben, je serais étonné de goûter un petit snack. Ben, pas là, parce que le souper qu'on a eu, puis là, on boit depuis qu'on est arrivé, là, je commence à saturer. Mais moi, je mangerais un petit snack salé, quelque chose du genre. Je mangerais le petit sac de fromage salé que j'ai trouvé au IGA, là. T'es un genre de petit fromage salé, jalapeno, belle découverte. Un petit quelque chose d'épicé, ça serait bon avec ça. Pour une toune, va chercher ça, on t'attend. Non. En tout cas, s'il y a des gens au IGA, là, près du studio, rue Belair à Lévis, qui veulent nous amener du fromage salé. C'est le IGA Extra sur Kennedy. Donc, vous en avez vu. L'autre IGA, à Saint-David, il n'y en a pas. Ah. Ou n'importe qui, là, vous êtes proche de la station, vous voulez nous amener un petit snack salé, là, on va y goûter pareil. Une fille qui a eu chaud, tu sais. T'étais pas. Bon, c'est ça. Lui, il peut faire des allusions, puis pas moi. Une fois par mois, on en scène un. Donc, ma foi, un produit qui sort de l'ordinaire, mais c'est ça, on est dans la ginger ale, donc faut apprécier l'arôme du gingembre. Moi, j'adore le gingembre, donc. Mais moi, ça m'étonne. C'est pas toi, Andrew, qui trippe vraiment pas là-dessus? Sur le gingembre? Dans la bière, ça me dérange pas. C'est dans la cuisine. Ok, t'es pas un gros fan de cette racine? Ben, en fait, mettons que c'est râpé, t'es dans une sauce ou quelque chose comme ça, j'ai pas de misère. Croqué dans un gros morceau. Confit, un gingembre confit. Ça, je suis pas capable. Arc, non. Ah, moi, j'aime le gingembre, ça, je suis pas capable. Gingembre confit, je suis pas capable. Ou des fois, il y a certaines recettes asiatiques où c'est vraiment des morceaux de gingembre. Ben oui. C'est juste un morceau de gingembre, quand je le croque pur, le goût que le gingembre a, c'est un goût qui m'agresse. Fait que, tu sais, quand il est râpé dans une sauce ou quelque chose comme ça, je m'en rends moins compte. Fait que c'est moins pire. Puis dans une bière, ben, ça cause quand même le goût de l'alcool par-dessus. Puis généralement, c'est pas une bière uniquement au gingembre. Tu sais, il y a d'autres épices autour. Fait que, c'est non, c'est pas pire. Comme dans celle-là, il se passe d'autres choses, là. Ouais, mais moi, j'étais quand même à dire aux gens, tu sais, qui boivent, tu sais, la Taneca, on parlait tantôt de la Taneca du Corsaire, tu sais, bière blanche au gingembre. Là, on est dans une autre ligue présentement. Oui. Ça fait pas juste goûter le gingembre. Là. La Taneca, c'est marqué gingembre, c'est la canne. Tu sais que celle-là est au gingembre. Non. On s'entend-tu? Non, mais elle goûte plus. Encore une fois, on le répète, la Taneca goûte pas mal plus le gingembre quand on la prend dans les tonneaux. Oui, c'est ça, exact. Là. Là-bas, que dans la canette. Mais là. Celle-là, c'est wow. Là. Ça arrache. Il faut être amateur, ça, c'est sûr. Moi, j'aime ça. Non, c'est sûr. Si t'aimes pas le gingembre, tu vas y ressentir mort. Là. Oui, tout non, à mais, fait. Non, mais même c'est à quasiment... ça, j'aime pas le gingembre. Puis je la trouve très bonne, cette bière-là. Mais tu sais, c'est juste, comme je dis, moi, c'est vraiment d'un point de vue culinaire là, que j'aime. Mais t'es roux, aussi. T'sais, mais c'est... on dirait qu'ils ont fait mariner un morceau de gingembre. Ben, c'est clair. Sûr qu'il n'y en a pas une dans la bouteille? Non. C'est sûr qu'il n'y en a pas, mais encore là, c'est sûr que c'est des. Ils n'ont pas mis de l'essence, là. C'est de la racine qui a été mise. C'est ça. Puis vraiment, dans la première fermentation aussi, là. Ça n'a pas été mis juste à la fin, ça, là, parce que ça goûte vraiment beaucoup. Oh oui. Le gingembre est présent depuis le début du brassage. Voilà, ça, c'est certain. Puis là, c'est un produit qui est tellement gazéifié qu'on se le met dans la bouche, là. On dirait que le liquide disparaît tranquillement vite, là, de n'est-ce que la place qu'au gaz. Ah oui, mais c'est super intéressant. Moi, je trouve ça pété bien raide. Et l'amertume, oui. Mais on parlait tantôt, là, justement, un petit... moi, là, c'est parce que ça fait comme un mois et demi, j'ai envie d'en manger. Là. Un bon petit sushi bien relevé. Là. Mmh. Moi, là, j'aimerais ça. Un bon petit sushi, des fois, tempura, là, ou juste des tempuras de légumes, avec une mayo, mais bien relevé. Là, pas juste une mayo épicée pour le fun, là, bien relevé, là. Tabasco, sriracha, là, un bon mélange des deux avec un peu d'huile de sésame, là, je pense qu'on tiendrait de quoi. Je me lance comme ça. Ouais, j'avoue. Parce que là, il faut jouer aussi, là, on va parler de jeu, mais là, on peut parler de bouffe un peu. Là. C'est un bon sushi relevé ou juste un bon tartare. Bon tartare de bœuf, là, justement, là, avec l'huile de sésame ou tu sais, une sauce sésame bien relevée. Je pense qu'on tiendrait de quoi. Je lance ça comme ça là, dans les airs. S'il y a genre des gens, là. Du Resto d'Hélice, là, qui veulent offrir des tartares aux gens de CJMD pour des tests de... On est prêts, là. Puissance maximale est prêt à se sacrifier. Ah oui, ce genre de sacrifice-là, on est capable de le faire. T'sais, nos arrière-grands-parents se sont sacrifiés dans la Grande Guerre de 14-18. Nous autres, on est prêts à manger du tartare. Ouais. Comme moi, je mange pas de tartare, je me contenterais d'un... de homard ou quelque chose Non, c'est ça, t'sais, quelque chose de... Un petit risotto de homard du Délice, là. Aucun problème. Bon? Je me suis pas là. Il est excellent. Okay. J'ai goûté. Ok, je pense que la prochaine fois, c'est ce que je vais appeler. Sérieusement, il est très abordable. Ah oui. Puis il y en a. Il y a du homard. Il n'y a pas du homard. Il y a du homard. Il y a du homard dedans. Il y en a pas mal. Dans chaque bouchée, tu as du homard. Franchement, là. Sérieusement, quand j'ai reçu l'assiette, sur le coup, j'ai fait comme. Ah, ouais, quand même une bonne assiette. Ouais. Là, tu sais, j'ai regardé le prix, tout ça, j'ai fait. Ah, c'est étonnant. Puis au resto des Après ça, j'ai fait. Est-ce que ça va être assez pour me contenter? Ça, c'était la question. Que oui. À peu près vers la moitié de l'assiette. Ah, mais du risotto en j'ai plus, fait un petit. Oh! Ouais. OK, ça commence à cogner. Ouais. Il va falloir que j'essaye ça. Messieurs, écoutez, ça va vite. On joue à quoi en buvant ça? Ben, parce que ça fesse, puis que ça arrache, puis que je t'ai vu me donner une rince aux roues tantôt à Street Fighter. Je dirais qu'un bon jeu de combat de turbo, là. J'allais dire la même chose. Où tu perds le contrôle sur ce qui t'arrive, là. Tu manges la volée de ta vie, ouais, là. Mais vraiment, je sais pas pourquoi, là, un old school, là. Tu sais, justement, Street Fighter, un Killer Instinct, là. Quelque chose, justement, que tu perds tout contrôle. T'es pas sûr de ce qui t'arrive. Killer Instinct, j'aurais été plus de challenge, un peu. Ah oui, ben, on avait joué ensemble, tu m'avais effectivement pété la gueule. En fait, on avait fini 1-1. Ah ouais, c'était laquelle j'avais pris? Moi, je pense que j'avais pris Black Orchid. Moi, il y avait une fois où j'avais joué avec le squelette, que je ne m'en rappelle plus du nom. J'allais dire Skeletor, mais ça, c'est dans He-Man. C'est dans He-Man, oui. C'est ça. J'avais pris squelette, tu m'avais cassé la gueule. Puis après ça, j'ai pris le lézard, puis je t'ai cassé la gueule. Ah ouais, le genre de raptor, là? Ouais. Non, moi, c'est plus au niveau de Nintendo, la vieille console de Nintendo. Mm-hmm. Là, c'était Rumble Ransacking, je pense que ça s'appelle le titre, où tu joues un petit œuf dans une ville puis tu casses la gueule à tout le monde. Là. Quoi? Je connais pas ce... Vous connaissez pas ça? Pas du tout. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Il faut regarder. Sinon, en deuxième, je dirais que le premier Mortal Kombat. Ouais, ben oui, non, ça irait bien. Pour répondre à ta question, Andrew, Spinal pour le squelette et Riptor pour... C'est ça. Pour c'est quoi le nom de jeu? T'as parlé, Louis-Étienne? Rumble Ransacking. Le spelling, ça se peut que ce soit pas super bon, mais il me semble que c'était ça le titre. Essayons de le trouver. Non, c'est ça, là. Ou pour rester à la même époque, même console, tu sais, Ninja Gaiden, tant qu'à te faire fister, là. Ah oui, oh oui! Non, je le trouve pas. Tu le trouves pas? Au pire, je vous enverrai ça, mais... C'est intéressant comme choix, puis aussi, je connais pas, il faudrait voir que je vois, sûrement qu'il y a des vidéos de ça sur internet. Tu dis un œuf qui détruit tout dans une ville. C'est ça que t'as dit? Un œuf, non. Non, Rumble Ransack. Un jeune... Un jeune, je comprends un œuf. Un jeune, un tough. Tu comprends un œuf. Un œuf. Comme Humpty Dumpty, mais c'est un peu. C'est ça, c'est japonais, sont fucky River City Ransom. Ah oui, c'est ça, merci. C'est ça, donne les bons noms. Ben, comme j'ai dit, il y avait peut-être un problème de spelling, mais effectivement, c'est celui-là. C'est River City Ransom. C'est là que tu peux avoir tes... Tu casses la... En fait, c'est ça, des coups de pied, des coups de poing où tu donnes les throws. En fait, c'est le classique, il y a une histoire là-dedans, mais si t'avais pas le livret d'instruction, t'avais aucun moyen de le savoir. C'est qu'il y avait une gang de thugs qui kidnappaient ta blonde, et là, fallait que tu la retrouves dans River City. Et Dieu sait qu'il y avait des magasins et tout. Mais c'est drôle, parce que dans River City, il y a personne qui est ton ami dans la ville. C'est toutes des thugs. Les seuls amis, c'est les marchands qui veulent que tu leur achètes des choses. Et ce jeu-là, tu casses la gueule à du monde. Et tu ramasses du change à la poignée de 5 cents, de 10 cents, puis de 25 cents. Tu rentres dans une boutique, ça cause 11 piastres. Tu fais comme... Ouais, mais tu sais, tu manges des ramen, puis ça te rend plus fort, permanemment. Ouais, c'est ça. Et c'est ils sont jamais vraiment à l'université, eux autres, avec un petit budget de... Mais j'ai même trouvé niaiseux, je sais pas pourquoi je pense à ça, là. Mais moi, il me semble que j'aurais le goût de jouer à Yoshi Island sur Super Nintendo. Pourquoi pas? Je sais pas Du côté exotique? Je sais pas le lien, mais il me semble que j'ai le goût d'entendre un bébé Mario brailler puis me laisser. C'est ce que je voulais dire. C'est, vu que ça arrache tellement, c'est comme bébé Mario quand il part dans sa peut-être bulle, la frustration, tu bois ça, puis ça te donne une sensation de party, puis ça je sais pas. T'oublies tranquillement que ça va pas bien. Mais tu me donnes envie d'y rejouer, par exemple. Ah. Ouais, c'est à ça que ça sert, cette chronique-là. On leur sort plein de noms ça. Fait que tu vois que c'est quand même une bonne suggestion. Ouais. Messieurs, ça va vite. Il faut passer à la prochaine chronique. Combien... Au pire, aller, on défoncera, Mike, c'est tout. Ah, on pourrait faire ça. Combien de racines? De racines? De racines sur 10 offrez-vous à cette bière, monsieur. La jeunesse pour la Sorachi Ace. 8. Un 8.5, monsieur Louis-Étienne. J'en mettrais un 8, mais avec un astérix. Je suis pas sûr que je prendrais la 750 ml au complet. Non, c'est ça. Mais un 8. Mais ça vaut la peine de goûter. Ouais. Monsieur Castegan? Moi, je vais être vraiment le casseux de partir. 8.25. Ah, foiré de ta mère. Et pourquoi le 0.25, monsieur Castegan? Parce que je suis d'accord avec Étienne, au niveau du point de vue qui est très bonne, mais je me taperais pas une 750 millilitres. Mais je trouve quand même qu'elle a un goût, ma foi, très, très, très impressionnant pour se rapprocher du score à Eric. Puis ça me tentait pas de mettre 8.3. Ça serait un 8, moi, mesdames et messieurs, sans expliquer pourquoi. Là, c'est 8, c'est tout. Bon. Mesdames et messieurs, après avoir goûté cette bière, nous irons en pause musicale et on revient tout de suite après avec monsieur Louis-Étienne Négagné pour parler jeu de plateau. Et on va aller avec, là, tant qu'à être dans l'absurde, dans n'importe quoi, allons écouter des gens de Crampe en masse et leur chanson Vient dans ma chevette à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM. Deux dents en avant, j'ai un œil qui sac de l'autre. Je suis un fan des bas blancs, je fais dur, c'est pas de ma faute. On me traite de tous les noms, j'ai une fourchette Normand Gagnon. Mon acné fait fuir les foules quand je ris, la face me coule. Mais quand vient le temps de séduire, moi j'ai une arme secrète, j'ai simplement à dire, viens dans ma chevette. I'm on a du fun. Y'a plus de bol propre dans l'armoire pour manger ma soupe wonton. J'mets mon manteau à l'envers pis j'mange dans le capuchon. Les ustensiles sont toutes sales, le lavabo est plein d'assiettes. J'prends mon tournevis étoile pour faire cuire mes brochettes. Et quand mamie m'appelle pour laver la vaisselle, moi j'ai une bonne cachette, j'vois dans ma chevelle. Là j'suis bien là, il est bien là. Les wipers sont même pas en même temps. Les deux sièges ont plus de bourrure en dedans. Le bric-à-brac est dans le coffre à gants. Mais j'suis bien dedans. Grosse femme marchait dehors avec son toupet crêpé, mais comme dans son pire cauchemar, il s'est mis à bouiller. Son toupet a écrasé, son maquillage a coulé. Elle avait l'air d'un lutteur qui a mangé une volée. Mais quand vient le temps d'aider, moi je suis toujours prêt. Si t'as pas peur de mouer, viens dans ma chevelle. Regarde pas le ménage. En dessous du siège, y'a 12 livres de morue. En plus, le sapin qui pue, pue, pue. Le plancher, c'est comme le gars des vues. Il existe pas. Viens dans ma chevelle. Viens dans ma chevelle. Tombe à zéro. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. L'émission philosophique. Non, c'est ça. Quel est le sens de la vie? Et vous avez entendu M. Philippe Despalières à Puissance Maximale. Et là, vous entendez ma voix, Michel Michaud, votre animateur. Vous venez d'entendre « Viens dans ma chevette » de Crampe en masse, un classique de la chanson humoristique québécoise. Et maintenant, je suis debout, mesdames et messieurs, dans le studio, comme dans l'ancien temps, Puissance Maximale. Tu m'énerves, c'est toi. Qu'on était assez coyons, on faisait souvent ça debout avec Vincent. Et là, je suis debout parce que je veux voir le plateau de Crossmaster Arena, le jeu que nous apporte Louis-Étienne. D'ailleurs, si vous êtes intéressé de voir à quoi ça ressemble, ben, vous allez sur le Puissance Maximale, la page Facebook. Il y a des photos qui ont été envoyées sur la page Facebook, la photo du plateau. Et aussi, et là, on va en parler tout de suite, tout à fait, des super figurines qui sont sur ce plateau-là. Parce que, comme tu disais, on parlait en d'onde, là, habituellement, on a des figurines. Les figurines sont grises. On prend Zombicide, les figurines sont grises, sont vertes. Au moins, c'est des figurines. Oui, oui. Des fois, c'est juste des bouts de carton. C'est ça. Mais ces figurines-là sont en trois dimensions. Elles sont belles. Et sont pré-peinturées. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire. Elles sont déjà super belles. Et les détails sont là. C'est ça qui est plaisant. Là, je pense qu'Indo pourra poster ça sur la page Facebook. C'est tiré d'un jeu, ça? Oui, un jeu en ligne, puis de deux jeux. Wakfu puis Dofus. C'est des jeux sur... Il y a des jeux online, il y a des jeux de cartes. Il y a beaucoup de matériel qui est déjà créé. En France, il y a même une série animée qui est là-dessus. OK. C'est beaucoup tiré. Si on regarde les figurines, c'est un gros, gros, gros potentiel animé mangatesque. C'est clair. Ben, on va être avec l'autre jeu aussi. Là, on est pas mal dans ce... Ouais, non, effectivement. Dans les deux ce domaine-là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Un plus dans le stéréotype du manga que l'autre. On en parlera tantôt. Mais là, on est devant ce jeu-là. Premièrement, super belle figurine. Très belle figurine. Un beau plateau. C'est pas très compliqué non plus pour le moment. Les éléments supplémentaires également sont beaux. Il y a des arbres en carton, des buissons en carton. Mais ça, il y a possibilité d'y aller avec un upgrade, puis d'avoir les figurines, les arbres et les buissons, et d'ailleurs les animaux de compagnie qu'on va voir un peu plus tard, en format plastique, un peu à la style 8-bit. Oh, donc style 8-bit à l'ancienne rétro. Là. Ouais, un peu. Nice. Ouais. Donc si on est bien crinqué, on peut se lancer là-dedans. Et là, c'est quoi ce jeu-là, Louis-Étienne? On fait quoi avec ces belles figurines-là? C'est un Battle Royale, tout ce qu'il y a de plus classique. Un peu pour aller comme avec la bière qu'on vient de déguster. On laisse aller un peu l'agressivité, l'amertume en nous s'exprimer sur ce board game-là. Et le but du jeu, c'est on peut jouer de 2 à 4. On peut jouer 4 figurines, une figurine, tout le monde contre soi, en équipe de 2. Et le but, c'est carrément d'éliminer les points. Ils appellent ça des Galleons of Glory, mais c'est comme des points de vie, si on veut. OK. On en a chacun 3. Et le but, c'est d'éliminer toutes les Galleons of Glory de l'adversaire. Excellent. Donc là, on se promet. Là, est-ce que là, vous allez pouvoir, si vous allez voir la photo, on c'est a... C'est un board où on peut se promener dessus. On peut se cacher derrière les arbres. On peut... On peut une petite stratégie là-dedans. Oui. Il y a des summoners, il y a des comment on dit ça en français? Ah, des summoners. Des invocateurs. Des invocateurs, merci. Hey, c'est ma journée hein, pour les temps franco. Oui, pas mal. Ça y va. Hein? Donc, il y a des invocateurs qui peuvent invoquer leurs créatures. Il y a des spécialistes du corps à corps, des spécialistes de la longue portée, des guérisseurs. OK, c'est pas toute la même affaire. Non, on a vraiment des classes différentes. Et ce jeu est, ma foi, le Skylander du board gaming. Ouais, moi, ça, tu parlais tantôt hors d'onde. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par Skylander? Est-ce que on peut collectionner des figurines? Tout à fait. Je te montre un peu en même temps. Et voilà, je viens de montrer à Michael le nombre de figurines. Et ça, c'est un aperçu parce que c'est du non-stop. Donc, les figurines, on les collectionne. Donc, il y a des figurines promo qui sont pas sur le côté de la boîte. Il y en a beaucoup. Une trentaine sur le côté de la boîte là, de disponibles. À vue d'œil, oui. À vue d'œil de même. Donc, on peut acheter des booster packs. On voit pas la figurine, on la prend, on regarde, une nouvelle figurine. Ou on peut acheter carrément des expansion packs. C'est des 4 petits ensemble. Alors, on choisit nos figurines ensemble et on se fait une équipe. Donc, vraiment, on s'achète les figurines, puis on se monte une équipe, puis on se bash un contre l'autre. C'est du bon vieux classique du bashing. On parlait de combien de joueurs tantôt? De 2 à 4. 2 à 4, ok. Ouais. C'est qu'on peut pas se faire une game avec gros party du 8, gros Battle Royale. On peut y aller. Je te dirais que si t'as plus qu'un board game, il n'y a rien qui t'en empêche. Parce que les règles sont là. Ouais. C'est le board game qui t'empêche d'être à plusieurs. Fait que si t'en as plusieurs board games. On est 2-3 amis, là, si on a chacun notre jeu. Et voilà, tu peux le faire. On peut y aller vraiment. Quand tu as avoir 4 board games, tu peux avoir une espèce de gros plateau. Ah oui, un gros plateau. C'est comme un échiquier en tant que tel. C'est si plus que tu as d'échiquier, plus que tu peux mettre de figurines, plus que l'espace pour se clasher. Et là, ça fonctionne comment pour les combats? On a vu qu'on avait des dés. Est-ce que ça fonctionne seulement qu'avec les dés? En tant que tel, ça fonctionne seulement avec les dés. C'est un système hyper simplifié. Dans le sens qu'une attaque fait... chaque personnage, chaque figurine a une carte détaillée. J'aime ça ce son, là. T'aimes ça, voit ça que t'aimes les dés. Ouais. Donc, chaque figurine a sa carte détaillée qui dit qu'est-ce qu'elle peut faire comme attaque. Dessus, les attaques font toutes un minimum de dégâts. Et le dé te permet d'exploser ce dégât-là en faisant un critique ou en absorbant les dégâts. Ah, okay. Donc, les dés sont vraiment plus... C'est que de base, notre créature fait un minimum. Elle fait un minimum. Puis après ça... Des effets ou justement des critiques effets, ou... Ouais, augmentés. Les effets sont augmentés selon ton grâce jeu. Le dé. Ah, ouais. D'accord. Et non, sérieusement, chaque figurine a ses propres habilités, ses propres attaques, ses propres spells. C'est que c'est pas compliqué. Tu me dis, on arrive là, les règles, c'est pas compliqué. Non. On suit ce qui est ça pas mal sur nos cartes, puis on est puis prêt. Le plateau design, il montre où mettre les morceaux les troncs d'arbres, où mettre les buissons, où mettre les pièces d'or, parce que les pièces d'or te permettent d'acheter de l'équipement. Pendant le jeu. OK. Ça fait qu'on peut s'upgrader pendant qu'on joue. Tout à fait, c'est ça. Il y a des statuts, tu vois sur le statut, et il y a des pièces d'équipement. Donc, tu achètes les équipements et tu upgrades ton personnage pour faire des attaques supplémentaires, des attaques plus puissantes. Tu as des affinités avec les 4 éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Donc, quelqu'un là, qui a jamais joué, c'est-tu ben long avant qu'on puisse commencer la partie? Là. Pas du tout. Pour te donner un exemple... Tu me rassures parce que le manuel se compose de 32 pages. Oui, mais il doit avoir regarde genre le manuel. Sérieux, ce jeu-là, c'est vraiment ce qui est plaisant. À page 1 du manuel, tu as un tutoriel pour commencer à apprendre à jouer. Donc, page 1, tu apprends déjà à jouer avec les fondements. Et c'est ainsi de suite. Donc, vraiment, si tu veux vraiment couper tous les tutoriels... On enlève toutes les pages. Il t'en reste juste 10 pages de règlement. OK. C'est, ils t'apprennent à jouer étape par étape. Parce que c'est intimidant, 32 pages, quand tu commences au début. Oui, mais c'est écrit gros aussi. C'est très écrit gros. Il y a beaucoup d'images. Mm-hmm. Puis tu joues carrément à même le livre d'instructions pour apprendre à jouer. Okay. C'est super intuitif. C'est que ceux qui se sentent pas à l'aise de juste lire puis partir à jouer, on peut s'asseoir tout seul à la maison. Tout à fait. Je commençais à l'apprendre, puis après ça, on arrive devant les amis, messieurs, mesdames, c'est comme ça qu'on joue, on part. Je suis maintenant un professionnel. Non, c'est ça. Pour vous donner un exemple, j'étais à Otakuton en fin de semaine. Oui. C'est un des jeux que j'ai animé le plus. Je l'ai animé 17 fois durant ma fin de semaine. Ah, t'avais le public pour. Ah, exactement. Puis tout le monde, il y a personne qui a débarqué. Il y a personne qui a avorté une game. Tout le monde l'a commencé puis l'a fini. Ah, ben ça, c'est le fun. Fait que, puis tout le monde a adoré. Pis ce genre de convention-là, en plus, le monde ont des verres dans le cul. Je dis ça de façon crue, mais le monde a tellement de choses à voir dans ce genre de convention-là qu'il reste rarement longtemps au même endroit, moins que ça soit vraiment, mais vraiment intéressant. C'est un jeu qui dure une heure. Retenir du monde à une convention, une heure de temps pour jouer, c'est exceptionnel. Ouais. Ben, c'est parce que t'es un excellent animateur aussi, Louis-Étienne. Le jeu en soi, il aide. Prends-les, je te fais un compliment. Là. Donc, c'est ça, là, mon autre question, c'est combien de temps? Donc, à peu près une heure. À peu près une heure. Excellent. Donc, on a ça entre les mains. Puis là, en plus, on a notre jeu de base. Puis si ça nous intéresse, si on est vraiment bien crinqué, on peut y aller dans le mode booster, dans le mode le on collectionne. Base, le jeu de base donne accès à 8 figurines, dont 2 figurines exclusives, qui sont le roi des bouffetous. Je vais y dire en anglais, le roi des bouffetous puis la reine des tofus. Ah, OK. La reine des tofus peut invoquer 3 petits poussins et le roi des bouffetous peut invoquer un mouton. Excellent. Écoute, Louis-Étienne, juste comme ça, parce qu'on les aime beaucoup, les gens de la revanche, nos amis à Québec du pub ludique, et on nous dit, là, on disait que le prix en anglais était d'environ 80$ pour la boîte. C'est la partie plate, mais faut voir le matériel pour comprendre le prix. Ben, juste les figurines, ça en farce. Oui, c'est écœurant. Ouais. On ne retrouve pas ça dans beaucoup de jeux. En tout cas, bon marché, ça, c'est sûr et certain. Il faut s'attendre à payer. Hey, dites-vous qu'il est moins cher que Zombicide. C'est sûr, mais nos amis de la revanche à Québec, un prix, ils nous l'offrent à 70$. Si vous êtes intéressé par ce jeu-là, juste à appeler les gars de la revanche. La version anglaise, je crois. La version anglaise, oui. Pour la version française qui s'en vient, je pense que c'était disponible pas mal en fin de semaine. En fin de semaine, on pouvait l'avoir à Otakuton. Il était à 80$. C'était tout chaud, ça venait d'arriver. Ah oui, là. C'était tout chaud, ça venait d'arriver. Mais là, je pense qu'il prévoit pour le mois d'octobre, je pense, pour la plupart des détaillants. Pour la plupart des détaillants, oui, je crois que c'est justement, c'est comme tu dis, c'est autour du mois d'octobre. Donc, on nous annonce pour la revanche autour de 85$ pour la version en français, mais on nous dit que ça pourrait être plus bas. C'est bon. Donc, à surveiller pour la version française au mois d'octobre. Il y a une partie intéressante à ce jeu-là. Oui! Ce jeu-là, en France, ça fait déjà un certain bout de temps qu'il est là. Depuis 2012. Et eux, c'est la folie. OK. C'est la grosse folie. Ils ont déjà sorti, un peu à la Zombicide, la deuxième saison. Oh, OK. Qui s'appelle Free Ghost, qui est déjà sorti et qui va suivre pas longtemps ici aussi. OK, c'est que ça s'en vient aussi. Oui. Là. Si vous avez peur de manquer de matériel, mesdames et messieurs, dites-vous qu'il y a d'autres choses qui sont en route. Ah oui, il y a plein là. D'autres choses qui arrivent. Puis j'ai vu des figurines promo pendant toute la fin de semaine. Les vendeurs, ils ont toutes vendu, ils étaient sold out. Sérieux, mais il y en a des belles. Donc, à surveiller, mesdames et messieurs, ça s'appelle Cross Master Arena. Donc, jeu de combat à la Battle Royale. On peut être en équipe également. On se pète la gueule entre amis avec des belles figurines. Disponible chez nos amis de la revanche pour 70$. Mais aussi partout en magasin, vos magasins spécialisés si vous êtes intéressé par ce jeu. Et là, si je ne me trompe pas, je crois que Danny également a des paquets. C'est des paquets, ça vient 4 figurines supplémentaires. Mm-hmm. Je sais pas à combien la revanche est faite. Me semble que ça tourne autour de 30-35$. Mais je vais laisser Danny parler des pour. Là, Danny, malheureusement, n'y pourra pas nous aider les mercredis. Okay. Parce qu'il travaille maintenant le mercredi à la revanche, donc il peut pas suivre l'émission en ligne. Mais là, il me dit qu'il y a des blind box. Oui, les blind box, ça, non, c'est les figurines que tu. C'est aléatoire. Il me dit qu'il y a une extension à annoncer pour la saison 1. Ça va être les blind box qui ont été annoncés. Petite boîte, comme tu disais tantôt, on dit 10$ pour les blind box. Ça, c'est une figurine. Mais ouais, t'as aussi des paquets de 4 figurines, des blister packs qu'ils appellent, si je ne me trompe pas. Et je crois qu'ils tournent autour de 30-35. Mais ça, c'est sous toute réserve. Donc, si vous êtes intéressé, on vous suggère d'appeler chez nos amis de la revanche, n'importe qui est sur place va pouvoir vous répondre. Donc, vous pourrez poser la question à ce moment-là. Sinon, on a un autre jeu, Monsieur Louis-Étienne. On y va tout de suite, on enchaîne, bien sûr. J'avais posté l'image, parce que là, moi, j'ai pris une photo tantôt. Mais t'as pas mis les têtes de cheval. Têtes de chevaux, on dit. On peut dire les deux. Plus maintenant, c'est une joke ça, arrêtez là, c'est comme les... On dit chevaux, arrêtez, moi j'ai cheval là, en pluriel. C'est quoi le nom du deuxième jeu? Ben, je vais l'écrire pendant que je le poste. Bien sûr, ça s'appelle Kanzume Goddess. C'est un jeu, un deck building. Donc, qu'on parle, peut-être donner un exemple populaire de deck building. Dominion. Pour ceux... Dominion, c'est le gros populaire, mais également, on en voit de plus en plus. Ils ont fait des Tulu, des Star Wars, des Game of Thrones, des Legend of the Five Rings. Donc, quel est le principe, mon cher Louis-Étienne, de ce genre de jeu-là? Le principe de ce jeu-là, en tant que tel, c'est qu'on a 10 cartes dans nos mains, c'est notre deck. Donc, je dis 10 cartes dans nos mains, c'est 10 cartes dans notre deck. On en pige 5, il nous en reste 5 dans notre deck. C'est un petit deck de départ, tout le monde en a 10, tout le monde a les mêmes cartes. Et au centre, on a ce qu'on a, des fois, ils appellent ça le village, des fois, ils appellent ça l'endroit central. Il y a des cartes où qu'on peut acheter, selon dans nos cartes, qu'on va avoir dans nos mains, on va avoir, j'ai les termes en anglais, du currency, tu vas avoir de l'argent. Oui. Et avec cet argent-là, tu peux acheter des cartes au centre. C'est des, dans Kanzumi Goddess, c'est des guerrières. Ma foi. Ouais, ben là, on parlait tantôt de l'univers manga et animé japonais. Vous pourrez, je sais pas si on va pouvoir le voir sur la photo que j'ai postée. C'est des caractères design. Oser. On dit ça pas, comme ça. On le voit pas dans le détail. Non, mais on le voit un mais peu. Mais c'est explicite. Ouais, c'est ça. C'est grivois un petit peu. C'est Fernande, un peu. Ouais, c'est ça. C'est Fernande. C'est comme Fernande. Quand je m'en venais, j'entendais Fernande. Je me disais, ah, dommage, on aurait pu la jouer avec ce jeu-là. Avoir su, c'est ce que j'aurais fait. Mais, effectivement, je sais pas que c'est pas vulgaire. Ouais, c'est pas pornographique. Non, loin du de tout, là. Il y a rien qui nous l'empêche. Tu sais, je peux baisser le volume et la mettre en arrière. Ah oui, tu pourrais faire ça, Andrew, pendant que, tranquillement, pas vite, pendant qu'on parle de ça. Mais effectivement, c'est pas un jeu, l'ado de 12-13 ans, il n'y aura pas de problème. Non, c'est ça. Ben, il n'aura peut-être juste pas envie de jouer à ça, mais d'aller se cacher avec les cartes, là. Non, moi, je pense qu'il va vouloir... Ça vient peut-être après, mais il va vouloir jouer plus à ce jeu. Ouais, c'est et ça. Parce plus... qu'on va le dire, c'est des les personnages, justement, qu'on utilise, les guerrières. C'est le caractère design manga de femme sexy. On va dire ça comme ça. C'est pas mal ça. Oh, oui. C'est quand même meilleur, j'en dirais pas plus. Mais non, mais il n'y a pas grand chose à dire. Elles ont des attraits attrayants. C'est ça. Ils sont affriolantes. Et voilà. Je suis en feu, mesdames. Ah, et vous en remarquerez, Fernand en arrière-plan. Oui. Donc, le jeu, au début, quand je l'ai acheté, mais ma foi, je m'attendais à pas grand-chose, mais j'ai été surpris. OK, quand t'as ce jeu-là avec toi, premièrement, le format, comme t'as pu voir, il se tient dans une... Ça ressemble à une canne de conserve. Oui. Qui est très portative. Vous la voyez sur la photo, d'ailleurs. C'est vraiment une partie pratique du jeu. Il se trimballe facilement. Comme, je sais plus c'est lequel de vous trois qui me l'a fait remarquer, des fois, ça peut être gênant de sortir ce jeu. c'est moi qui ai dit ça. C'est toi? Ouais. J'ai dit, il me semble que je sortirais pas ce jeu-là dans des amis de filles. Effectivement, sur le coup... Quand tu connais pas le jeu, effectivement, ça peut être gênant parce que les images, mais c'est pas plus gênant que la personne qui amène son deck de Magic, puis en arrière, elle a des sleeves avec des dames habillées légèrement. Non, c'est ça. C'est pas plus léger. Au moins, l'image est vers toi, pas dans le dos de la carte. Oui, c'est ça. Sauf que la mécanique du jeu est vraiment intéressante. Donc, le but, c'est on incarne un dieu soit nordique, soit un dieu grec. OK. Et on fait face à un autre dieu nordique. On peut jouer encore une fois en équipe ou individuel. Donc, combien de joueurs? À ce jeu-là, c'est de 2 à 6 joueurs. 2 à 6. Donc, on peut y aller en mode... Party game. C'est ça, là. Équipes, 2 équipes. Oui, carrément, il explique. C'est soit en équipe ou soit tout le monde individuel. Ah, un 6 contre... Il y a un mode où tu peux jouer tout seul aussi. T'es un épais. Donc, on peut jouer toute la game ensemble, un contre l'autre, ou peut-être un avec l'autre, tout dépendant. Oui, un avec l'autre. J'aime cette expression. Mais, bref, tout ça pour dire qu'on peut être en mode battle royale encore une fois. Encore une fois. On est en affrontement et si j'ai bien compris, on est... On s'achète des guerrières et on augmente notre deck. Donc, on pige toujours juste 5 cartes. Mais notre deck, on le brasse à chaque fois qu'on épuise les cartes. Donc, en achetant des cartes, il grossit. Donc, on vient avec 12, 13, 15, 20, 35 cartes. Et avec les nouvelles guerrières qu'on achète, on gagne des habilités. Chaque guerrière a sa propre habilité. Et on peut attaquer nos adversaires et leur faire perdre des points de vie. Donc, tout le monde a 15 points de vie. On fait perdre des points de vie et on tue nos adversaires ainsi. Le principe est vraiment spécial à ce niveau-là. Et on peut ce qui est le fun, c'est que si on joue en équipe, on peut sauver nos alliés pour pas que la partie se finisse trop courtement pour eux. C'est ça, c'est qu'on peut être en mode coopération à fond là, dans ce jeu-là. Effectivement. Donc, quand on gagne, c'est quand l'autre adversaire est éliminé. Est-ce que notre dieu a des points de vie ou c'est quand il n'a plus la possibilité de s'acheter des guerrières? Les 15 points de vie sont les points de vie du dieu. Ah, okay. Mais ton dieu a des capacités spéciales. Donc, ça peut être intéressant qu'ils vont peut-être jouer influer sur tes points de vie. Excellent. Donc, il faut abattre l'ennemi grâce à ses guerrières. Faut s'attendre à payer combien pour ce jeu-là? Ce jeu-là, je l'ai vu à Tokiton, 35. Normalement, il tourne autour de 40. Ouais, dans ces jeux de cartes-là, c'est pas mal les prix qu'on retrouve. Il y a une expansion qui existe, mais je ne l'ai pas vue à Québec jusqu'à présent. OK. Mais je sais qu'il y en a une qui existe. Donc, si les gens sont intéressés, on peut aussi... j'ai pas l'information parce que Danny était sûr qu'on allait parler de Rampage. Je m'avais envoyé un petit peu d'infos. La prochaine fois. Mais pour Kenzume Goddess, ce sera vérifié peut-être avec les gens de la revanche ou avec autres magasins qui vendent des jeux, bien évidemment, dans la région. Je sais, malheureusement, je l'ai pas vu à la revanche. Je suis sûr qu'ils peuvent l'avoir. Je sais qu'il existe à l'imaginaire pour l'avoir déjà vu. Ah, OK. C'est dernièrement même. OK. C'est mais attendez que la revanche l'aille. Oui, c'est ça. On dit ça de même. Là. Pas vous influencer, mais c'est parce qu'à date, on parle tout le temps 5, 10, des fois 15 piastres en dessous des autres prix. On vous dit ça comme ça. Puis aussi, le personnel est pas mal plus sympathique. C'est parce que l'imaginaire, ça coûte cher. Plus le personnel, ça voyez que le loyer coûte cher. Puis le personnel se fout de vous autres. Ben non, voyons. Tu c'est... commandes quelque chose, puis tu ne le reçois jamais. C'est pas vrai, ça. Ça dépend à quel département. Ah, département ben, DVD? Non, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'ai commandé un DVD, j'attends toujours. Je vais te dire quelque chose DVD, comme ça. DVD, c'est une chose, oui. Ouais. Un magasin qui se soucie de la clientèle ne devrait pas avoir de département qui ne remet pas le matériel que tu commandes, et encore moins le commander sur un site que ton client a accès, qui s'appelle Right Stuff. Ben, personnellement, pour avoir fait affaire avec eux pendant 10 ans dans le comic américain, je suis satisfait. La gang du comic... Le monde du comic, c'est correct. Mais personnellement, j'aime beaucoup Première Issue pour le... Le comic book, ouais. Oui, mais c'était... je te dirais que là-dessus, ça s'équivaut. Personnellement... Moi, je peux pas. Moi, j'aime mieux Première Issue. Ouais. T'as le droit. C'est rendu là, c'est un goût personnel. Mais le jeu de société puis le manga, elle est pas là. Non, c'est sûr et certain. Ah, là-dessus, je peux pas m'avancer. Non, je peux vous confirmer. Mais pour le board game, effectivement, je dois dire que la revanche offre des prix compétitifs et savent de quoi qu'ils parlent. Oh yes, ça c'est sûr et certain. Monsieur Louis-Étienne Desgagnés, c'est un plaisir de te recevoir encore à l'émission. On se revoit le mois prochain, mais là, t'es là jusqu'à la fin de l'émission, bien évidemment. Toujours, parce qu'il nous reste une bière à déguster, mesdames et messieurs. C'est ce que nous ferons pour la fin de cette émission. On avait des nouvelles à couvrir importantes. Tout en regardant les cartes. Qu'est-ce que je dis là? En buvant la bière, c'est ça? En buvant la bière, oui, effectivement. Donc, mesdames et messieurs, nous passerons... on pourra peut-être défoncer un petit peu, Andrew. On va voir ça. Il va falloir faire du montage pour le podcast, par exemple. Ah, pas de problème, je vais m'occuper de ça. Mesdames et messieurs, il est temps de partir en pause musicale en attendant la nouvelle bière qui s'en vient. Et là, on va l'écouter. La semaine passée, j'ai passé du Prodigy, qui était quand même dans les vieux, pas vieux, mais les années 90, pour certaines personnes, c'était du rétro. Là, je vous envoie un autre groupe qui tasse pas mal. Ça s'appelle Power Man 5000. Je sais pas si... Il y a un nouvel album, d'ailleurs, je pense que j'ai vu récemment qu'il allait sortir. C'est une grosse voix, ça brasse pas mal. C'est très bon. J'écoutais ça quand j'étais au cégep. Je suis tombé là-dessus, justement, en faisant le choix musical. Puis je me suis dit que ce serait bon pour les auditeurs de découvrir ou de redécouvrir la gang de Power Man 5000. On va vous envoyer dans vos oreilles, en attendant la nouvelle bière à déguster, la chanson Supernova Ghost Pop de Power Man 5000. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Supernova goes pop. say, you know what to do. Over, but the supernova don't stop. Supernova, your supernova. Supernova goes pop. Supernova, you think it's over, but the supernova don't stop. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, mesdames et messieurs, nous sommes de retour à Puissance Maximale. Vous avez entendu Supernova Ghost Pop de Power Man 5000 à votre radio de la Rive-Sud. Et là, pour l'heure qui est rendue, est-ce qu'on l'annonce tout de suite? Mesdames, messieurs, Puissance Maximale va défoncer. Merci. Voilà, ça va durer un peu plus longtemps parce qu'on veut. Il y a quand même des nouvelles dont on veut vous parler, mais il nous reste une troisième bière dont on veut vous parler avec monsieur La Jeunesse. Qui est beaucoup plus froide. Il est en train de nous verser ça. Et on vous rappelle encore une fois que cette chronique est une présentation du dépanneur tout près de Lévis. Vous pouvez vous y rendre si vous allez au 97 rue Wolfe à Lévis pour tous vos achats. De bière de microbrasserie, de bière normale, si vous voulez. Là. Mais de bière de microbrasserie, parce qu'ils ont un excellent choix d'accessoires liés à la consommation de bière de microbrasserie et aussi de bonbons, parce qu'ils ont vraiment un beau comptoir de bonbons. Ouais. C'est lancé. Monsieur La Jeunesse, on parle de quel produit maintenant? On parle des Trois Mousquetaires. Oui. Elle s'appelle la Gauze ou la Gauze ou la Gousse ou la... Je sais pas comment elle était prononcée, ça. Une bière... On parle d'une... Une sour ale. Une bière acidulée. Ouais, monsieur. Bière légère, 3.8. Ouais, c'est tout léger. On nous parle de... Malte du Québec, en plus. Limette, coriandre, sel de mer, c'est... Quasiment une tequila. Ben, ouais, tu sais... On va y goûter, en tout cas. Tu sais, le drink cheap là, que les Shooter Girls t'ont passé dans les bars, là. Comment ils appellent ça? Ou tu sais, la... Du kamikaze. Ah, ouais. Ma jeunesse a été faite au kamikaze. Ouais, c'est ça. A été humidifiée par le kamikaze. J'ai aucune idée à quoi m'attendre, mais ça me. Ça te travaillait. Eau salée, coriandre, limette, ça me parle beaucoup. Moi, j'ai hâte de le tester. Beaucoup. Ben, testons ça. Donc, sentons. Ça sent la limette. Pas un énorme nez, par exemple? Non. Ça sent pas... Bon, goûtons. Santé, messieurs. Ça dit que ça se mange bien avec du pad thai. Oh boy! On goûte la lime. Ouais, on goûte la lime. On parlait de bière d'été, là? On goûte la coriandre. À fond, là. On est là-dedans. Ouais, pad thai, truc épicé, là. À fond aussi. Lime, coriandre, au bout, là. Pad thai, salade verte et fromage de chèvre. Oui, ben ça fit. Mais je reviens avec mes sushis, moi. Désolé, là, avec une petite... ça me fait penser un peu à la bière au kimono à Québec. La bière que la Barberie fait, là. Qui s'appelle Kimono, voilà. Ça me fait un peu penser à ça. Beaucoup plus acidulé, ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais, bah, moi, j'aime ça. Ben, tu me connais, de toute façon. Moi, bière fruitée, de ce genre-là, c'est dans mon bag, là. Mais j'aime ça. C'est un peu léger, 3.8. Mais en même temps, encore une fois, je pense que, comme pour la bière qu'on a bu juste avant... On est dans la bière qui se boit, mais avec quelque chose pour le couper. Une bonne bouffe autour, là, on parlait de pâte taille, c'était suggéré, là, mais ça prend quelque chose de goûteux à côté. Ouais. Ça me fait penser un peu à la lollipop. Je pense que c'est de Pit Caribou que j'ai goûté au Festibière. Oh, connais pas. Qui était pamplemousse et agrumes. Puis, sérieux, là, un petit goût qui ressemble. Alors, tiens ça. OK, t'as. Ouais. Lollipop puis la blonde parfaite, là, on pourra noter ça tantôt. Mais non, moi, sans faire, j'aime ça. Mais c'est sûr que ça surprend, là, c'est quand on dit, tu sais, au moins, c'est marqué dessus, bière acidulée. Ouais. Oh, c'est, on est rendu à troisième. C'est celle d'avant, ça? Non, c'est ça. Je suis content d'avoir juste deux. Non, non, c'est ça. Mais, c'est bon, moi, j'aime beaucoup ça. Ça goûte pas le cooler, tu sais. Non, ça goûte la bière. Ça goûte la bonne bière, là. Oui, oui. Qu'il y a sûrement des gens qui seraient tentés, de limette, nanana, qui pourraient dire, ouais, ça goûte la Smirnoff, ou je sais pas. Non. C'est léger, par exemple. C'est une bière de juin-juillet. Oui, oui, tout à fait. Mais, hein, une bière de terrasse, une bière. On est bientôt rendu en septembre, hein. Une bière de grillade. C'est un peu ce que je pensais. Ouais. C'est une bonne grillade. Mais tu vois, là, justement, là, un bon steak, là. Ceux qui sont vieillis au IGA, là, les. IGA, Delecta, n'importe. T'sais, une bonne pièce de viande, là. Bien épicé, bien assaisonné, là. Tu prends ça avec ça, là. Ouais, ben oui. Une bonne grillade. Ça vient comme équilibré, la grillade, les épices, puis. Avec un burger d'une demi-livre, là. Non, ça aurait été bon, ça, tantôt, hein. 1er septembre? Hein? 1er septembre? De quoi, 1er septembre? La semaine du burger? Ah, ouais? Ouais, mais là, aujourd'hui, c'est la journée internationale du bacon, je crois. J'ai vu passer ça. Il y a des journées internationales de toutes. Non, mais le bacon, c'est correct. Oh, c'est correct. Bacon, il en faut plus qu'une journée. Ben là, en fait, devrait avoir. Une statue. Statue du bacon. Anyway, on l'a dit lors des élections, nous autres, puissance maximale, qu'est-ce qu'on ferait? C'est sûr, le parti ludique, le parti du bacon. Moi, j'ai d'ailleurs un collègue de travail qui participe à DGN. Ouais. Qui se fait des steaks de bacon en GN. Des steaks de bacon? Ouais. Ils sont tranchés épais. Il faut qu'après ça, c'est du lard. Se fasse déboucher les artères. Là. À peu près, ouais. Ah, c'est sûr qu'on s'abouche pas mal dans un GN, le moindrement qu'on est dans un groupe actif, là, mais. Ouais. Steak de bacon. Un steak de bacon, hein? Ouais, c'est ça. On pourra reparler. Ça serait un test à faire. Non, ouais, c'est ça. Je serais curieux. Ça te tente. Ben, bonne... Je serais curieux d'y goûter, moi. Tu vois, cette bière-là, bonne bière de déjeuner. Deux œufs bacon. Ouais. 3,8. Ben oui, ah, c'est doux. Ça commence bien la journée. Hein, oui, avant 4%, tu peux en prendre à 8h le matin. Ben oui, c'est la loi. Comme un camping. Vous devriez, en fait, boire de la 3,8. D'ailleurs, je pense. Ah non, mais là, je suis rendu, moi, là, je parle, mais j'ai une photo à mettre sur Facebook de cette bière-là, moi. Parce que là, depuis tantôt, le monde est bien content d'y voir passer. Fait que continue à parler. Déluré personnage. C'est moi, ça. Oh, c'est une hors-série. Ouais. Je sais pas dans quelle mesure, par exemple, c'est une hors-série, là. Mais je connais pas beaucoup les Trois Mousquetaires, fait que je sais pas vraiment ce qui brasse, c'est de façon régulière ou pas. On la trouve-tu saisonnière ou pas, statueuse, une bière d'exception. J'en ai pas la moindre idée, là. J'ai pas eu le temps de faire mes recherches. Ça sera à surveiller chez vos vendeurs préférés. Ouais. Allez vous informer à tout près. Tout à fait. Parce qu'il faut pas oublier. Qu'est-ce que cette chronique est une présentation du dépanneur tout près de Lévis? 97 rue Wolf, Andrew? Ben oui. Ah, voilà. Donc. La plug était assez subtile. Ouais. Puis Marie va être contente de vous accueillir. Sinon, allez voir celle qui était là après-midi au comptoir. Ben, moi, c'est rare que je me présente là puis que j'ai pas un bon service. Hey, t'es cute. En plus. Tu sais, à Lévis, là, je pense, le spot où t'es content, mais en même temps, tu lèves le poing en l'air en disant pourquoi c'est quand t'habites proche du tout près. Tout le monde que je connais qui habite proche du tout près sont comme, man, c'est malade, mais putain, ça me coûte cher. Ben, ouais. dès qu'on habite proche, justement, d'un commerce comme ça, qui offre des bons produits, ça coûte cher. Faut faire attention à notre portefeuille et à notre consommation, parce qu'il faut pas boire trop. Ils n'ont pas pensé à ouvrir une franchise à Québec? Pas encore. Ça serait plaisant. Mais faut dire qu'on a des. À Québec, du côté de Québec, on a quand même des. Ouais, non, en ville, oui. Mais si tu montes plus, on a. Non, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Au nord? Oui. Ben, au nord, t'as au coin de la Grande Ligne, puis de Jacques Bédard, t'as chez Doub. Oui, c'est vrai. T'as raison. Okay. Eric, il doit être rendu. Il doit être rendu au coin. Je les ai découverts il y a deux semaines. Il doit être rendu à plus de 400 produits. Quand je restais dans ce coin-là, il en avait au-dessus de 300. Je les ai découverts il y a deux semaines. Okay. Je les connaissais pas du tout avant. OK. Voilà. Donc, mais c'était la parenthèse. C'était la parenthèse, ouais, voilà. Mais tout ça pour dire qu'on a un produit, un bon produit, entre les mains qui goûtent. C'est ça. C'est pas un cooler. C'est pas de la bière cheap aux fruits comme la Bud Light. L'Emerita. J'ai goûté à ça, là. C'était à Saint-Jean chez mon frère et de mes amis. Ah, veux-tu goûter? Oh, oui. J'aime la tequila, là. Mm-hmm. Puis j'aime. Moi, je suis un gros. Margarita, là. Un vrai bon margarita, là, n'importe quand. Mm-hmm. C'était dégueulasse.